give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon moment. On va parler de télévision dans un instant, le rap français. On fera un comparatif de ce qui se chantait il y a une dizaine d'années, voire moins, et de ce qui se fait maintenant. Ah, les choses ont changé, il faut vendre du disque les gars. Bah oui. Ah oui, la violence, de... voilà, maintenant c'est les licornes qui marchent. Ah, faut plaire aux mamans. Mais voilà, mange du sucre, tu feras des cacaramels. Voilà, c'est ça. C'est ça, le hashtag de ce soir est numéro 2 TT France. Ouais. Hashtag en soirée, il y a toujours. Merci, je suis sûr que vous pouvez nous le mettre numéro 1. On parlera dans un instant des 8 règles d'or pour faire l'amour au bureau si vous êtes dans la voiture. Attendez encore 5 minutes. Je peux vous donner le truc qui vous permettra de le faire. Sans vous faire gauler. Okay. Nico, télévision. Alors dans le Zap aujourd'hui, comme j'ai dit, bonsoir, un spécial. Nico. Bonsoir. Mais Coco, enfin. Mais non. Quoi? Ah bah non, bah, pas maintenant. Il y a un jeu là. Non, le jeu, j'ai décidé de le faire après. D'accord. Là, ah je bon fais Nico. Et ceux qui m'écoutent, qui veulent le cache-cache, 7, 10, 12. Hier, il y a eu 1000 euros de gagné. Je laisse 3 minutes de plus. Voilà, donc 7, 10, 12 par SMS. Mettez Coco au début du message. Il y a une enveloppe à 200, une enveloppe à 50, une à 2000, une à 10 000, une à 100, une à 500. Le cache-cache, il aura du retard, comme le RER, et puis c'est tout. Allez, un zap syndical. Un zap spécial Zizi aujourd'hui, on commence avec ce sujet du trésor de TF1. Dans la famille Castagnier, nuciculteur depuis 6 générations, voici le doyen, André, 89 ans, et toujours la gaule en main. Celle-ci est en châtaignier. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est très flexible. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand on a une gaule en châtaignier. Bien sûr. J'ai envie de dire, avec ce qu'on vient d'apprendre sur Trump, la France, un point, États-Unis, zéro. C'est ça. Ah, parce que le champignon de Donald, c'est autre chose à côté. On continue. Alors, sur LCI aussi, on a parlé de la taille du sexe de Trump grâce au livre de cette actrice qui aurait eu une relation avec lui. Donald Trump aurait donc un petit sexe. Je cite ce que dit Stormy Daniels dans le livre. Plus petit que la moyenne, dit-elle, il a un pénis inhabituel avec un gland énorme comme un champignon. Et elle ajoute, c'est sans doute la relation sexuelle la moins impressionnante que j'ai eue dans ma vie. Sur LCI. Voilà. Alors, il se fait défoncer. Voilà, le pauvre. Voilà, je crois que tout le monde le sait. Alors, croyez qu'il quitte la Maison Blanche en carte. Non. Sur un petit carte. Il jette des pots de banane. Il jette des trucs derrière. Des carapaces. Un dernier. Alors, justement, que faire quand on en a une petite? Réponse dans le magazine de la santé sur France 5. Mon copain a un petit pénis. Que faire pour l'aider à s'accepter devant Sonia? Tirer dessus pour l'allonger. Le magazine de la santé, voilà. Des blagues de cul, mais on est médecin, ça passe. Bienvenue sur Énergie. Dans 3 minutes, je vous offre peut-être 10 000 euros. Pardon, un mot à dire, Marine? Croyez-moi, je ne suis pas dingue. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Là, ça ne compte pas quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Bien, messieurs, le cache-cache de 17h30 a donc 7 minutes de retard. Ceci dû à un mouvement du personnel en grève qui ne sait même pas pourquoi il fait grève. Donc 7 minutes de retard, mais on le fait quand même. Parce que je voulais qu'on parle de la télé. C'est en hommage avec l'actu du jour sur le zizi de Donald Trump. Excusez-moi. C'est important. C'est l'actu, hein. Bah ouais. Attends, je refais ma vanne, mais tu t'appelles Donald Trump, t'as quand même envie que. Donald Trump que ce truc aille avec, quoi. Mais non, ça va pas. Bah, tu t'appelles Donald en même temps. Oui. Il aurait pu avoir un zizi en bec de canard. Hein. Excusez-moi, on est passé à ça de. Voici le moment de vous offrir jusqu'à 10 000 euros. J'ai distribué les enveloppes pour tout le monde. Vous avez envoyé vos SMS au 7 10 12. C'est le numéro que vous devez faire tout le temps. 7 10 12 pour avoir une chance de gagner plus de sous. Code Coé. Et mettez Coé au début du SMS, tu as raison. J'appelle Nadège. Nadège ? Ah oui ? Bonjour, c'est Coé, on est sur Énergie, Nadège. Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour ! Super ! Tu habites où, Nadège ? À Revonin. À Momolin ? Non, à Revonin. R-E-V-O-N-A-S. C'est où ? C'est dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis. Alors, j'ai repris mes études, j'étais soignante et je suis retournée à l'école pour devenir infirmière. Génial. Tu as des enfants ? Oui, trois à la maison. Très bien. Qui s'appelle ? Après, j'ai plus de questions. Hein. Enzo, Loan et Océane. Je t'ai senti chercher pendant une demi-seconde, mais c'est pas très grave. Comment s'appellent mes enfants ? Je le savais, j'avais. Non. Attention, il y a six enveloppes de distribuer. Il y a Stouff à côté de moi, il y a évidemment moi, il y a Jeff Bichette, notre réalisateur, Bordas qui fait les réseaux sociaux, qui est très fier parce que le hashtag est en TT France. Et Miko, choisis la personne, gagne l'argent qu'il a dans la poche. Il y a toi aussi. Oui, je l'ai dit. Et toi ? Et toi aussi. Bichette. Oh, c'est gentil. Ah, parce que tu sais, on pense rarement à lui, et là tu lui as fait plaisir. Là tu vois, ouais, ça déclenché de l'émotion. J'ai vu ton regard. Et moi j'aime bien. Vite, on est en retard. La faute à qui ? Il y a Gigi D'Agostino qui arrive dans un instant. Adios World. Bon, on fait vite alors ? Oui, on fait vite. Est-ce que c'est les 10 000 ? Non, c'est pas 10 000. Est-ce que ça va faire du bien à la fin du mois ? Est-ce que ça fait du bien dans la journée ? Moi, ça me ferait du bien dans la journée. Combien ? C'est 200 euros. Ah, bah ça te double ton salaire, toi. Moi, clairement. Là, avec toi, on vient de faire le jeu de Manu et mon jeu en même temps. Je t'offre. Ma chérie, ça va te faire du bien aussi. 200 euros, est-ce que ça te fait plaisir ? Ouais, super. Eh bah ça tombe bien, 200 euros. Gros bisous, c'est pas les 10 000, mais ah là là, ils vont tomber, je le sens demain. Elle peut rejouer ou pas ? Je le sens demain. Tu rejoues quand ? Tu veux que je te rappelle demain quelle heure ? T'es dispo ? J'aurai peut-être du retard, je verrai. Donc tu m'envoies ton SMS 7 10 12 par SMS aussi. Tu peux rejouer autant de fois que tu veux. Je te fais un gros bisou, Nadège. Je t'embrasse. Super, merci Coé. Embrasse merci, les enfants. Bisous. Bisous et courage pour les études. Restez là, dans un instant, la compile des rappeurs. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of I'll do it over again. I didn't want it to end. I watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave the shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Dans 15 minutes, l'émission en direct et en public, comme d'habitude, en studio. On va venir nous voir pour les émissions publiques. Coépublic@energie.com, un simple mail, un numéro de téléphone, et on vous enverra une réponse et de l'amour. Bordas, le hashtag de ce soir, en soirée, il y a toujours. Ouais, t'en veux quelques-uns? Oui, s'il te plaît. Ok, il y a Pierre qui nous dit en soirée, il y a toujours. Oui, c'est bien, mon grand. Non, je pensais que tu voulais savoir quelle position on était. C'est super, vas-y. Il y a Pierre qui nous dit en soirée, il y a toujours les gars, le gars qui commande un Uber pour tout le monde et ne se fait jamais rembourser. D'accord. Ok, bon, on le fera dans un instant la suite, bougez pas. En soutien à Absatoussi, vous avez vu ce qui s'est passé, le bad buzz, c'est moche, ouais, cette histoire d'attribution de prénom, de dire qu'un prénom n'est pas français, je trouve que c'est la pire des attaques. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fond, ça fait pas avancer la France, ça n'attire que de la haine, ça n'a aucun intérêt. Slimane a décidé de changer son pseudonyme sur les réseaux sociaux pendant une semaine, il s'appelle Absatou. C'est mignon, je trouve. C'est vrai? Ouais, oui, comme ça il a dit, bah voilà, moi je vais m'appeler Absatou, comme ça ça règle le truc, ça règle la différence. Connexion avec la villa des animateurs, on a tous les animateurs, il paraît qu'ils ont fait la même chose. Ça, on les a ou pas? Oui, oui, allô? Oui. Allô? Oui. Vous avez des animateurs Absatou Foucault à l'appareil. Oui, bon, bonjour. Si j'ai bien compris, vous avez tous décidé de changer votre prénom pour Absatou? Absolument, moi j'ai dit oui tout de suite. D'abord parce que, à la base, j'ai un prénom de merde. Ouais, Jean-Pierre, c'est pas ouf comme prénom. Oui, mais avant tout, c'est un élan de solidarité entre les animateurs télé. Et je propose qu'on aille encore plus loin en rebaptisant des symboles, comme l'Absatour Eiffel. Ça c'est bien l'Absatour Eiffel. Une idée de ouf, les chéris, j'adore. Moi j'ai changé de prénom, le prénom de mon émission, et je vais appeler ça l'Absat touche pas mon poste. Oh, j'adore ça et je griffouille. C'est génial, attends, je suis là, tu m'entends, c'est Patrick Sébastien, ça va les gars? Ouais. Ça va les gars, est-ce que vous êtes à la forme? Ouais. Là, je suis emmerdé, Patrick Sébastien, j'ai deux prénoms dans mon nom, du coup, je peux pas m'appeler Absatou. Disons, c'est pas pratique. Ok, alors je veux bien changer de prénom. Si elle aussi, elle change de prénom, Absatoussi. Ok, je vais trouver un truc. Sarah Court. Ouais. Pourquoi? Sarah Courtsi. C'est bien. Attention, aucun rapport avec Mabit. Parce que. C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie. Qu'est-ce que j'aime ce titre.

25 centimes la minute plus prix appel. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oscaro.com vous propose un kit de vidange adapté à votre véhicule. C'est vraiment simple et très économique. Je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Intermarché vous propose d'écouter 11,95€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs ? Bien sûr, mon chéri. Jusqu'au 23 septembre, le lot de 2x23 doses de lessive liquide original Ariel est à seulement 11,95€ avec en plus 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,72€ le litre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. On m'avait dit pour l'offre comme quoi Opel reprenait tout ce qui roule 4 300€ pour l'achat d'une Opel Corsa. Oui, c'est ça, j'avais dit. On m'avait dit aussi que l'offre serait prolongée jusqu'au 30 septembre. Ouais, c'est ça, j'avais redit. Et puis l'offre, bah, elle est passée et depuis, j'ose plus rien dire. J'en mène pas large. C'est pourtant vrai. En prolongeant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 septembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300€ minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Qui peut concurrencer la MAF? MAF, lance tonnerre de MAF! 2 mois gratuits pour tout nouveau contrat auto-tout-risque! Vous devez contre-attaquer! Rien à faire! C'est la MAF qu'il préfère! Vous avez échoué! Jusqu'au 31 octobre 2018, c'est 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat auto-tout-risque. Et ça marche aussi pour les proches. Conditions de l'offre au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Merci d'être là. Dans un instant, nous avons vu donc l'évolution des rappeurs, des stars que vous connaissez, mais on chantait pas forcément les mêmes choses il y a quelques années qu'aujourd'hui. La mode a changé. Aujourd'hui, c'est no, oh, no woman, no cry, peace and love. Yeah. I love children. Love you too. Oh, what, love, oh, your what the beautiful flowers. Fear oh. The Lord. En attendant, voici les règles d'or du sexe au bureau. C'est très important si vous êtes au boulot, si vous nous écoutez ou si vous êtes dans la voiture. Notez pour demain. Règle numéro 1, évitez les rapports hiérarchiques. Ça se passe mal, vous risquez de perdre votre job. Ah, pas faux. Ouais. Voilà, pense-y, stouff, mais bon, réfléchis pas trop quand même. Pourquoi tu me dis ça? Ne le dis, alors surtout règle numéro 2, ne le dites à personne, il n'y a pas plus bavard qu'un collègue jaloux. Ça, n'allez pas voir, ça c'est les filles entre vous, n'allez pas voir, dire tu sais, le mec là-bas j'ai eu un truc. Tu peux être sûr, elle va le raconter dans les 3 minutes. Pas le dire. Ça, c'est vrai. Petit 3, trouvez un autre job de secours. D'après une stat, vous avez une chance sur deux que ça finisse mal, donc commencez à chercher. Quatrième, vérifiez que vous êtes seul sur le coup. Si devant son bureau, il y a un distributeur de tickets comme à la Sécu et que vous n'êtes pas le premier ou la première, si vous voyez des gens qui prennent un ticket en disant « Oh, 123e, j'ai pas bon. » Cinquième, évitez de lui envoyer des sex mails en oubliant de décocher la case « Envoyer à tout le groupe ». Oh non ! Oh la loose, ça c'est la loose. Sixième, bien choisir son lieu, parking, toilette, évitez de faire l'amour dans l'open space, c'est pas discret. Ouais, sur la photocopieuse. Ou éventuellement, faites l'open space d'énergie, vendredi 17h, ce sera calme. Septième, bien choisir son moment, le matin tôt ou en fin de journée, pareil, évitez l'ascenseur aux heures de pointe. Et huitième, le dernier, n'emportez pas vos sextoys au bureau, voilà. Confectionnez-les sur place, menottes en scotch, pincetons en trombone, ce que vous voulez. La vie de bureau. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. We'll be right back. sur Énergie. On est sur Énergie, dans quelques minutes on descend dans le studio en bas dans notre... C'est moi qui est merdouillé, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. J'étais en train de faire une vidéo pour dire que nous étions numéro 1 TT France. Et je voulais vous remercier, non je n'expliquerai pas. Ils vont la voir. Vous allez la voir. Ouais. Allez sur mon Twitter et vous allez la voir. Un vol détour, ça, quand même. Mettez un commentaire. C'est pour non, ça. Vous vous étonnez pas si Coco a une tête de mur. Hein. C'est normal. Ah, t'es tout pâle. Bah, je suis désolé. À 18h, ce soir dans l'émission, nous aurons le balance ton pote. Nous avons besoin d'une famille. Papa, papa, maman, maman, papa, maman, enfant, papa, papi, papa. Je veux donc des enfants, je veux tout le monde dans la voiture. Il y a un gros cadeau à gagner. Nintendo à quoi Switch. Non, attends, Nintendo j'ai fini. Switch. Nintendo Switch. On aura le Coé sans charge tout à l'heure pour dire ce que vous n'osez pas dire aux autres. Il y aura l'appel promo pour faire notre pub. Et nous saurons à 18h un peu plus si Jeff a eu son code. Ah oui. Et puisque c'est arrivé sur le mail de Stouff. Le pari, s'il l'a, j'invite le public à manger. S'il l'a pas, c'est lui qui invite. On s'en occupe dans un instant. Qui paye. En quelques années, le rap français a bien changé, les amis. Les rappeurs maintenant se sont transformés en licornes. Ça y est, on chante d'autres choses. Je vous prends des exemples. Ouais. Soprano, par exemple, au début. C'est fort, hein. C'est génial, ça. Bon, là. Ah là, l'amour, c'est ce qui va primer cette année. C'est moi qui vous le dis. On continue. Vas-y. Ouais. La Fouine à l'époque. Reste ton chien. Reste ton chien. Maintenant. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Le jardin secret, les mauvaises fleurs ont fané. Le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Orelsan, attention, on a bipé. Je t'aimais, mais tu m'as trompé. La bombe, la gomme tout pété, tu l'as pompé. T'es juste une sale. Voilà, vous verrez ce qu'il y a après le bip. Et maintenant. Qu'est-ce que j'irais faire au paradis quand tu t'endors près de moi? PNL. Ah, PNL, écoutez celui-là. Enfin, on te crasse, on tire dessus, t'es mon ennemi départ. Je t'ai senti, je t'éteins, je te pisse dessus, les yeux rouges dans la ville. Bon, maintenant. Je t'aime. Ah je t'aime. Oh, à la folie. Je t'aime à la folie. Passionnément. Vous devriez rajouter choubidou wawa, les gars. Choubidou wawa. Je t'aime. Choubidou wawa. Eh oui. Et oui. Puis c'est dessus il y a quelques années, maintenant c'est je t'aime. Choubidou wawa. Allons-y. Viens, on sort. Viens, on arrête de parler, ça sert à rien, y'a du monde. Viens, on sort. Viens, on sort. Maintenant. Romantique, hey, Booba. Ma petite, tu as la rage, dégage. Je te pique, femelle en chaleur, à part dans les pages. Je te nique, j'ai grandi, tu m'en en silence. Crucifié, c'est eh ouais, mais bon, depuis qu'il est papa. D'abord, t'appelles au secours, le mur, on te l'enlèvera. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Oh. C'est pour du tout la même parole. Et je ne parle pas du morceau qu'il a fait pour Carice. Eh oui, il y en a eu un. Ah ouais? Il y en a eu un. Ça finit par des bisous. Mais oui. Allez, restez avec nous dans 3 minutes. On descend dans le studio public en bas pour la deuxième partie de l'émission avec vous tous. Du bruit, des cris. Vous voulez être avec nous dans notre émission radio, dans notre grand studio, coepublic@energie.com. Restez là, j'adore. Voici Dadju qui sera notre invité le 2 octobre. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Les chaînes comme Django, Django. Yeah. Il veut nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi, mais pas toi. Laisse-moi le calmer, Il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Qu'il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père me dit, mais il est jamais content. S'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je poserai les chaînes comme Django, Django. Que je fasse pour avoir dans son cœur une place. J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on foncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. À ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas. Je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille. Mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. C'est les chaînes comme Django, Django. C'est les chaînes comme Django, Django. Yeah. Oh. Ladies and gentlemen, the king is back. Heures, 20h. Vous êtes prêts? On est prêts. C'est début. On est prêts. Bonjour. Merci d'être avec nous tout le monde. Et est-ce que le public est en forme ce soir? Alors je suis très content. Il y en a Ils vont manger en plus. Oui, ce soir. Vous avez mangé avant de venir? Ah bah non quoi, quand il a bouffé, forcément. Ouais, bah forcément, ils sont pas fous. Hein. Tout à l'heure, on va savoir qui a eu son. Est-ce que Jeff a eu son code? Je rappelle le pari. Si Jeff, grâce à unmaxdecode.com, a eu son code, oui. C'est moi qui invite voilà. Le public à manger. Si c'est toi, c'est toi qui invite le public oui, à si manger. Si je l'ai pas eu, je le paye. Bim, lundi l'artiste. On est numéro 1 TT France ce soir. Merci beaucoup avec le hashtag que nous avons lancé tout à l'heure qui est en soirée, il y a toujours. C'est ça. On en fait quelques-uns, il y a des messages de gens qui nous écoutent et tout. Vas-y, oui, vas-y. Bien sûr, il y a Florian qui nous dit en soirée, il y a toujours les voisins qui se ramènent pour dire qu'il y a trop de bruit. C'est vrai. Appelez la police. C'est vrai, et des fois t'as à peine commencé, 20h30, il commence déjà. Quoi d'autre? Il y a Baggins qui nous dit en soirée, il y a toujours le mec qui n'arrive pas déguisé à la soirée déguisée. Ça, je te confirme, il y a toujours des relous. Ou les mecs qui te disent c'est une soirée déguisée, tu galères à trouver le déguisement et t'arrives, les mecs font non, on a oublié le dos. Et t'es tout seul déguisé. Excuse-moi, quand t'annules la soirée, tu peux pas m'appeler pour me le dire? Bah, c'est moi, drôle. Bah oui, mais je suis déguisé en banane, tu crois que c'est facile? Ça m'est arrivé. Continue. Il y a David qui nous dit en soirée, il y a toujours le mec qui fait une contre-soirée dans la cuisine. Oui, c'est vrai ça. T'as raison. C'est vrai, il a raison. D'autres messages, d'autres petits trucs. Il y a Ciné Semaine qui nous dit en soirée, il y a toujours une personne qui chante les lacs du Connemara en à tue-tête à 4h du matin. Ouais. Bon, il y a quelques minutes, on vous a passé. Moi, par exemple. Et j'attends pas 4h. Je tiens à vous dire que tout à l'heure, on a passé il y a quelques minutes les chansons de rap. Voilà. Avant-après. Pour montrer avant-après. Le avant-après, que les rappeurs, les thèmes ont changé entre ce que chantaient il y a quelques années et maintenant. On vous le remettra peut-être tout à l'heure en fin d'émission. Ça nous a donné une idée parce que nous, il y a quelques années, on avait fait MC Repentir, qui était une parodie, mais qui était déjà des gars qui chantaient des trucs beaux. Bah, t'étais en avance sur ton temps. C'était de l'amour. Avant la fin de l'émission, on vous le remettra. Love. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire? Nous avons l'appel promo tout à l'heure pour faire de la promo dans les magasins. Nous aurons des nouvelles de Nabil Fekir. Très grand joueur de football français, mais très très mauvais élève en anglais. Nous en parlerons tout à l'heure parce qu'il a dit un truc absolument magique. Le kiki roule avec toute une famille. Je vais m'occuper de tous vos messages. Merci MC Bordas. Mais avant d'avoir tout, avant d'avoir tous les messages, il y a un tweet qui a attiré mon attention. C'est le tweet d'une journaliste, une jeune fille qui est journaliste, qui s'appelle Perrine. Et elle a fait son tweet et elle a, je vous le dis tel quel. Hein. Si vous entamez une journée difficile, dites-vous que je me suis réveillé en sursaut à 6h du mat parce que je rêvais que je me faisais agresser par Coé dans une voiture. Ça va mieux. Mais pourquoi? Enfin, j'ai rien fait. J'ai agressé personne de ma vie. Bien sûr, t'avais quoi cette nuit? Elle rêve de moi quand je l'agresse dans sa voiture. Alors, mon équipe a essayé de la contacter. Nous avons le numéro de téléphone. C'est demoiselle qui est là. Voilà, elle s'appelle Perrine. Faut que je l'appelle, que je lui dise que je suis un garçon gentil quand même. Oui, quand même. Qu'elle fasse plus de cauchemar. T'es pas passé dans fait d'entrer l'accusé? Non, pas encore. Enfin, pas pour ça. Allô? Perrine! Allô? Bon, vous m'entendez? C'est Perrine? Oui. Bonjour, je suis Coé. Comment ça va? L'agresseur de la voiture à 6h du matin. Le public fait du bruit pour Perrine. C'est ton pire cauchemar au téléphone. Ça va, Perrine? Ouais, enfin, ça va bien, oui, ça va très bien. Alors nous, ça nous a plu. Je sais que cet après-midi, il y a un de mes assistants qui a parlé en message sur Twitter, etc. Mais je voulais quand même absolument dire bonjour. C'est pas possible de rester sur cette impression. Écoute, ça me fait plaisir, ça rattrape. Ah bah oui, alors déjà, j'aimerais savoir que s'est-il passé exactement dans ce rêve. Parce que là, il y a eu un petit résumé, mais j'ai envie de savoir. Il faut que je raconte alors. Oui. Attends, bouge pas, je mets la musique qui va avec. Alors. On peut se tutoyer du coup parce qu'on se connaissait bien. Oh bah, attends, on peut se tutoyer, je t'ai agressé. Ah, mais... Je t'ai agressé, ça mérite un tutoiement. Bon, oui, approche. Écoute, alors je t'explique, on était en voiture à côté de chez moi. On menait une enquête, alors me demande pas sur quoi, j'en ai aucune idée. Et t'étais énervé, je ne sais pas pourquoi, et t'as commencé à me mettre des petites tapes. Ah, tu connais bien, il m'a pas fait plaisir du tout, donc je t'ai mis des petites tapes, et là tu m'as mis une grande baffe et je me suis réveillée. On est pas loin de la vérité. Je t'ai frappé dans un rêve. Franchement, je me suis pris énormément d'âle et j'étais pas contente du tout. Ah, je vais porter plainte. Bah écoute, 6h du mat, je me suis réveillée et voilà, j'ai commencé la journée. Je t'en ai voulu à peu près toute la journée. Oh mince, elle s'est réveillée, elle dit attends que je me rendorme, je vais devant le juge. Je retourne dans mon rêve. Non, ça c'est prévu pour ce soir. Alors, la suite, Perrine. C'est prévu pour ce soir. Perrine. Perrine, ouais. tu es journaliste pour quoi? Tu bosses pour qui? Ouais, je suis journaliste. Écoute, pour plusieurs magazines, je suis freelance. Donc, comme quoi? Dont un magazine People très connu. Bon, d'accord. Voici, voilà, pour pas le citer. Alors, Perrine. Oui. J'ai regardé sur Internet. Oui. Dans le dictionnaire des rêves. Ouais. Tu as regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé. Ah bah alors, tu vas voir. Conclu, je devais dormir un petit peu plus. Écoute-moi bien, Perrine. Sache qu'une agression dans un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Est une envie cachée et inavouée de contact physique et charnel. Elle est morte de rire. Alors, c'est pas moi. Je peux te dire un truc. Ah non, attends. Si j'avais su ça, j'aurais peut-être rêvé de quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui est mort. Je vais te dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Freud. Ça veut dire qu'on passe de ça. Ouais. À ça. Ah non, je veux pas savoir, c'est dégueulasse. Non. Perrine, non, tu sais que moi, souvent, je rêve que je me fais agresser par Emily Ratajkowski. Ah ouais, bah écoute, elle a bien du bol, mais. Perrine. J'ai pas Perrine, apprécié, tu vois, Perrine, ça n'avait rien de contact. Perrine, tu es attirée par moi, mais tu n'oses pas te l'avouer. Perrine, c'est pas grave. Je vais dire ça à mon mari, il va prendre la caisse. Mais ton mari aussi t'a attiré par moi, il a rêvé de moi il y a deux jours. De caisse. Mais c'est ton subconscient. C'est pas toi, c'est ton subconscient qui a envie de moi, Perrine. C'est vrai. Et en plus, je ne sais pas. Alors, franchement, je ne sais pas pourquoi. D'où tu sors? Eh bien, pose-toi la question. Je te laisse réfléchir. D'où t'es sorti? Je ne sais pas. J'ai pas entendu parler de toi. Là, ah, et bah, c'est encore plus inquiétant. Mais oui. Ça veut dire que tu penses à moi. C'est bizarre. Mais je pense à toi sans. Je vais pas dire sans le vouloir, mais ouais, sans le vouloir. Ah, ouais. Je ne sais toujours pas quelle enquête on menait et du coup, j'ai pas pu résoudre. Mais c'est ça, l'enquête était un prétexte. C'est un prétexte, ça, Perrine. C'est un prétexte. Perrine, je t'attendrai ce soir nue sur le lit. Avec des pétales de rose. Eh bien, je vais t'envoyer mon mari, je crois. Eh ben, qu'il vienne. Il prend, Coco. C'est dans des rêves. Hein. Je te fais un gros bisou, Perrine, je t'embrasse fort. À bientôt. Ouais, je vous embrasse. Bon courage et bonne continuation. Moi, si les gens rêvent de moi, il faut que j'aille régler le problème. Ah, mais t'as raison. Vous pouvez pas rester sur ce moment où je l'agresse dans un rêve. Non. On est sur Énergie, on est en public. Got to move. da nacho. Things gonna be. City runs into my dreams, darling. I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be. Suprême, jusqu'à 50 000 euros à gagner dès que vous entendez. Là, c'était Jane, mais il n'y a que Jane. Il en faut 5 d'affilée dès que vous les entendez. 39, 37, c'est ça? Oui. Et vous aurez la possibilité de gagner 50 000 euros d'un coup. Juste pour vous dire aussi que dans un instant, on reviendra sur le Momo Challenge. Donc, on a dit que c'était quelque chose sur lequel il fallait faire très attention, notamment les plus influençables et les plus jeunes qui se baladent sur les réseaux sociaux. C'est cette espèce de fantôme de balle qui vous donne des défis à faire et qui vous menace si vous ne les faisiez pas. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, on en parlera tout à l'heure. Encore une fois, je vous le dis, on en parle, mais faites très attention. Quand vous êtes un peu âgé, vous avez de la distance avec tout ça, vous n'êtes pas dupe, vous dites ah ok, c'est un algorithme qui va me chercher mes photos. Mais si vous êtes plus jeune, vous pouvez vraiment avoir peur. Et il y a eu des drames dans le monde entier. On en parlera tout à l'heure. L'anglais de Nabil Fekir, il faut absolument que je vous en parle dans quelques minutes. Oui. L'appel promo, on prendra un magasin. Alors on a pris une nouvelle marque aujourd'hui, on fera quoi? Électrodépôt. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait de l'électrodépôt. Moi, je veux des grands magasins qui ont des micros pour faire ma promo. Ah bah oui, sinon ça marche pas. De retour sur énergie. Je vous lis quelques messages des réseaux sociaux. Oui. Allez. Émilie, trop heureuse hier d'entendre Pietre officiel. Tu nous avais manqué. Par contre, c'est moche de prendre la place de Miko. Absolument. Absolument, il a raison. D'ailleurs, il est reparti. Message de Sabrina. J'ai kiffé avec Aya Nakamura hier l'émission. Le coup des présidents. Vous m'avez tué en allant chercher Pompidou. Bravo les mecs. On a fait le combat mec-fille. Il y a plus de 80 000 vues en quelques minutes sur notre Facebook Live. Autant vous dire que c'est plus que l'émission d'Yves Cavie sur Canal+. Mais bravo. Duty bravo. Free. Bravo cette culture. Duty free. Tu m'as écrit Duty Fry. J'ai repris les cours d'anglais. Ah oui, c'est ça. Bravo en tout cas. Bon, j'ai envoyé un message en MP. J'aimerais participer à votre émission. Elle s'appelle Sabrina. Quand tu veux, Sabrina. Quoi d'autre encore? Koé, Jaja en arabe, ça veut dire poule. Eh ben, si Aya Nakamura. Poule. Poule. Ouais, ça fait con. Koé, c'est pas cher un zénith. Hier, on a parlé des 1,5 milliard sur notre chaîne YouTube. On voulait louer un zénith. On a demandé à Gaël, le directeur des programmes, qui nous a dit c'est trop cher. Et il y a quelqu'un qui me dit c'est pas cher un zénith. Ma patronne a loué deux zéniths pour les 50 ans de l'entreprise avec Sandrine Quétier et Michael Gregorio. Ah ouais. Alors on peut le faire, mais on n'est pas obligé d'avoir Sandrine Quétier et Michael Gregorio. Non, c'est pas une obligation. Ça va. Salut Koé, je voulais te remercier pour cette photo également, te dire que t'as mis le feu à Maubeuge, un jeune homme avec qui on a pris une photo. Seb Pochet, je te fais un gros bisou. Restez avec nous. Dans un instant, on fait notre pub. Dans un instant, on revient sur le Momo Challenge. Il y en a qui l'ont essayé dans le public. Le Momo Challenge, personne. Voilà, non, vous êtes des gens. Ils sont bien. Vous n'êtes pas influençables, ils sont top, je les aime. Je vais vous bisouter pour la peine. A tout de suite. Qui va vous offrir à manger, Jeff ou moi? Réponse dans quelques minutes. Vos stars énergie préférées sont de retour sur la scène du Energy. Energy Music, Music Tour. Plus de 50 villes dans le monde. Plus de 2 millions de spectateurs. La plus grande tournée musicale gratuite s'arrête pour la première fois à Cluses samedi. Sur scène, 3 cafés gourmands, Jérémy Frérot, c'est Offenbach, c'est Aya Nakamura, Divaphone, Elia Bassi, Jayane, Lautner, Matt Simons, Slimane, c'est Jennifer sur NRJ. Et c'est l'artiste. Le NRJ Music Tour, présenté par Aymeric Bonnery, samedi. Avec Ibis, pour vous, vous et vous, fans de petites attentions, un événement. Energy, hit music only.

feels. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. De passer un coup de fil pour faire notre promo. Quand on vient de revenir sur Énergie, on se sert de notre promo. Hein. Ah oui, faut dire, voilà, il faut dire qu'on est de retour tous les jours, 17h-20h. Le public, dites-le. Hein. Dès que vous croisez quelqu'un, bonjour Madame la Boulangère, vous voulez quoi 17h-20h, qu'on est de retour sur Énergie, un pain au chocolat, merci. Non, mais voilà, faut le dire. C'est simple. Mais bien sûr, c'est obligatoire. Non, on reviendra sur Nabil Fekir, très bon joueur de foot. Mmh. Ouais. Un peu moins bon en anglais. Et puis surtout la nouvelle du jour, donc la star porno qui a couché avec Donald Trump. Stormy Daniels a parlé. Stormy Daniels pas. Tu la suis sur Insta? Je ne la connais pas. Non, pas elle. Et j'ai juste toute sa collection. Bah, elle n'est pas jeune parce qu'elle a, bon, voilà. Et Stormy Daniels elle a couché avec. Et elle dit, elle balance grave. Elle explique la forme du sexe de Donald Trump. Où elle dit que donc, il est tout petit, et il ressemble à un gros champignon. Mais ça existe, ça? Comme le champignon de Mario Kart. Alors, c'est le personnage Todd. Todd, hein, Todd. Voilà. Il a un chapeau en champignon. Moi, je serai Donald Trump, je vous dis, on l'a dit tout à l'heure, mais ce soir, je sors de la Maison Blanche sur un kart. Je balance des bananes. C'est le seul moyen, c'est lui. Montre au public que les gens s'imaginent maintenant ça au bout du zizi de Donald Trump. Voilà, c'est. En même temps, bon. C'est coloré, il faut que ça aille avec le papier peint, mais voilà, c'est joyeux. C'est joyeux, mais il y a quand même des points rouges, hein. Donc c'est horrible. Oh. Là, je pense que Trump, il a annulé ses trucs de la journée. Oh non. Il est en dessous de tout. Allez, on appelle en électro-dépôt, c'est l'appel promo. Il faut qu'il y ait un micro dans un magasin. Vous êtes des magasins, vous nous écoutez, vous avez un micro dans votre magasin. Inscrivez-vous, envoyez-nous un mail, koe@energie.com. Electro-dépôt. Moi, si vous avez un micro, je suis heureux. Je vous appelle. Mais que ça. J'adore ça. Dans quelle ville? Bordeaux. Allô? Electro-dépôt, Vinaldor, bonjour. Electro-dépôt, bonjour, je m'appelle Koé, nous sommes sur Énergie, comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Oh, ça va bien, quel est votre prénom? Sonia. Sonia, tout le monde va dire bonsoir Sonia. 3, 4. Bonsoir Sonia. Ça va Sonia? Ça va, merci. J'ai besoin de vous Sonia, l'heure est grave. Oui. L'heure est grave, Sonia, on vient de revenir sur Énergie, j'ai besoin de tout le monde, voilà, il faut qu'on soit tous solidaires, il faut me faire un coup de promo. Est-ce que vous avez un micro dans le magasin? Oui. Yes. Calme-toi. Je suis déjà heureux. Est-ce que vous avez encore des clients dans le magasin? Il doit y avoir du monde à 18h30. Ah mais oui, là c'est rempli. Bah voilà, j'ai Electro-dépôt, ça cartonne à 18h30. Alors j'ai besoin que vous me fassiez un petit texte pour dire que je suis de retour sur Énergie, il faut m'écouter, voilà, etc. Je vous donne la base? Oui, allez. On y va. Alors, donc chers clients, chères clientes, hein, le truc habituel, hein, oui. Le petit blabla. Chers clients, chères clientes Electro-dépôt, voilà. Nous, écoutez Koé, on fait ça? Écoutez, oui. Koé sur Énergie. Classique. Tous les jours, de 17h à 20h. Il faut trouver une petite phrase de fin. On peut faire un truc marrant. Et vous avez de la chance, il ne l'a pas fait chez Darty. Vous voyez, genre, il fait de la promo. Sinon, j'ai Electro-dépôt, un coup dans le sac, un coup dans le pot. C'est vous qui voyez. Ah, je préfère celle-ci. C'est mieux la deuxième. Ah, bah oui. On choisit laquelle? Un coup dans le sac, un coup dans le pot. On prend ça. C'est bien. Madame a du goût. Vous avez le texte? Vous pouvez me le répéter avant? Alors, chers clients, chères clientes, écoutez Koé tous les jours de 17h à 20h. Oui. Sur Énergie. Et la suite, sur Énergie. Énergie, t'as content. Sur Énergie. Oui. Et ensuite? Je m'en rappelle plus. Electro-dépôt. Electro-dépôt, un coup dans le sac, un coup dans le pot. Voilà. Electro-dépôt, un coup dans le sac, un coup dans le pot. Allez-y, je vous en prie, vous mettez le micro, on se tait, on écoute. Alors. clients. Chers clients, écoutez Coé tous les jours sur Énergie de 17h à 20h. Et bien, pour les mots, on nous en passe un coup d'envoi. Ouais! J'ai honte. Qu'est-ce que tu fais dire? C'est pas bien. Elle est géniale. J'adore ce slogan. Je vais faire mes courses ce week-end chez Electrodépôt. J'y vais directement. Je te fais un gros bisou. Oui. Un petit cadeau pour l'équipe d'Electrodépôt. Alors vous savez quoi? Je vais voir. On va vous offrir des cadeaux. On va vous envoyer des petites photos, des CD. On va vous envoyer plein de trucs, d'accord? Des goodies de l'émission. J'ai demandé. Vous savez quoi? J'ai demandé qu'on ait des grands mugs ou des grands verres, les grands trucs sur les cups là. Oui. On boit, quand on fait la fête en soirée. Ah, les chopes à bière. Les trucs. Non, les Eco Cups. Oui, avec marqué Coé sur Énergie. Et voilà, j'ai demandé ça pour qu'on puisse vous l'offrir. Mais ils ont dit non. Et j'ai une PS4 pour l'équipe, c'est pas possible. Une PS4 pour l'équipe. Ou 4 PS1, qu'est-ce que vous préférez? C'est mieux. Allez, une petite PS4 pour l'équipe Electrodépôt. Ça va pas, non, bah, j'ai pas ça. C'est combien ça coûte? On va essayer de trouver un truc, je vous embrasse fort. Bon, pas de soucis. Bisous, Bordeaux. À bientôt. Bisous, merci. Je vous embrasse fort. J'irai faire un tour à Bordeaux si vous connaissez la plage, qui est l'une des plus belles discothèques de France. Je vais les mixer. On va se faire une grosse soirée énergie. 19 octobre, vendredi soir. Vendredi 19 octobre, notez bien. Voici Drake. Oui, monsieur. Dans un instant, nous reviendrons sur le Momo Challenge et les dangers de ce truc. On s'en occupe juste après. Tout de suite. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in a code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how to network, fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I'm... Des belles surprises dans les semaines qui viennent, ça va être un plaisir. Alors, avant qu'on parle de football, revenons sur le Momo Challenge. Il y a une demoiselle qui me disait tout à l'heure dans le public qu'elle l'avait fait au début. Elle me dit non, je l'ai pas fait. Puis finalement, elle a essayé. Mais je crois que quand elle a essayé, ça marchait plus bien. C'est ça, mademoiselle? Bonjour, le prénom? Non, n'aie pas peur. Je t'en supplie. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Nous avons, tu sais, on a des trucs, on a un défibrillateur dans le quoi qui se passe dans le placard. Vraiment, on voit au premier cas d'alerte. On est paré. Tu l'as essayé? Ouais. Mais ça n'a pas marché. Non, merci, tu vois, c'est pas dur. Alors, mais... merci pour ce témoignage. Tu vois, ma chérie, non, mais elle, j'en ai parlé juste avant elle. Pendant la pause, elle a essayé, ça n'a vraiment pas marché. Mais ça marche comment? Il fait un numéro à faire, c'est quoi Ouais, faut aller sur une application, envoyer un message à un numéro spécial, mais ça ne fonctionne plus. Alors, je résume pour ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui ont surtout autre chose à foutre de leur journée que de perdre du temps là-dessus. Le Momo Challenge, c'était un truc où vous envoyez un numéro, il y avait un numéro sur WhatsApp, ouais. Vous envoyez et il vous répondait, puis il vous donnait une série d'épreuves, et il y avait un truc plus on avançait, des petites épreuves toutes bêtes, et visiblement, je dis bien visiblement parce que je ne l'ai pas fait moi-même, il y avait des messages plus menaçants qui ont emmené donc des plus jeunes à avoir très très peur, et il y a eu des cas de psychose, de peur, et un cas de suicide dans le monde. On a Médéric qui est en ligne avec nous depuis 20 minutes quand même, il attend. Ça va Médéric? Oui, ça va, Koé. Tu habites où? À Étoile, donc c'est pas loin de Valence. Ah, c'est dommage, je t'aurais habité à Malakoff. Malakoff Médéric, ça nous aurait fait rire. Mais bon, faut regarder la télé pour voir les pubs. Valence, Médéric, ça marche moins bien. Donc, t'as essayé, toi? Comment? Tu as essayé? Exactement. Et alors? En fait, je m'intéresse beaucoup à ce genre d'histoire. Donc, j'ai essayé 3 numéros avant de pouvoir l'avoir. D'accord, donc t'as dépensé du temps et de l'argent. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est donc on va dire une personne qui arrive à savoir toutes les infos un peu sur nous. Donc, il arrive à savoir nos prénoms, notre âge, naissance, où on habite, où on vit, le nom de nos parents, le nom de nos animaux. Mais ah tu l'as vraiment fait? Non, mais alors. Ah oui, non, je l'ai vraiment fait. Oui. Non, je suis très sérieux. Et il te dit, il t'a dit quoi? Tu reçois un SMS où il te dit ton chien s'appelle comme ça et. Exactement, voilà. Et voilà, il y a des choses où voilà, ça se posait des questions, comment il sait tout ça, et donc voilà, après donc je pense j'en ai déduit que c'était un hacker parce que ça pouvait pas être autrement. Bah il sait tout et ça. Il sait tout ça, pardon. Je te coupe. Arrête de. Oui, merci. Non mais parce que je pense qu'il sait tout ça de la même façon que quand un auditeur sur WhatsApp ou sur Snap ou dit tiens je vais écrire à Koé et comme par hasard dans l'heure d'après il reçoit 10 invitations de faux comptes Koé. Donc je pense que c'est exactement le même principe. Il y a plein d'auditeurs qui nous découvrent, qui ne nous ont jamais, enfin qui n'ont jamais écrit Koé plus que ça, ouais. Qui d'un seul coup m'écrivent une fois sur Instagram et me disent je comprends pas, je t'ai écrit une fois, d'un coup j'ai 6 invitations pour un autre compte Koé. Donc je pense qu'il y a des algorithmes qui piratent un peu, se baladent entre vos fesses et qui viennent piocher toutes vos données et tout. Les recherches et tout. Ah, il y a tout dedans. Hein. C'est bête, ça. Sauf que c'est même allé jusqu'à qu'il m'envoie une photo de chez moi pour devant chez moi et tout. Il a fait un Google Earth, non? Ça s'appelle Google Earth, non? Ça fait flipper, on se dit waouh, comment il fait, voilà quoi. En fait, j'aime bien ce genre d'histoire là, mais bon, je pensais pas que ça allait jusqu'à là. Alors, quel âge tu as? Bien évidemment, il te menace, après il te dit oui, je sais où t'habites, du coup je vais te tuer si tu fais pas ce que je te demande. Mais sérieux, non mais voilà, non, je tiens toujours à prendre avec précaution. Je vous crois hein, quand vous me racontez quelque chose, mais je me dois, parce qu'on est en direct à la radio, oui. Je me dois de vérifier. Conscience, je savais que c'était. T'as reçu vraiment? Tu reçois vraiment un message où il dit je vais te tuer? Ah oui, clairement, oui. Il envoie même une photo avec lui, avec un couteau à la main. Je m'étonne que les gamins ils flippent. Mais ouais. Mais je connais ton adresse, je vais te tuer. Avec la photo de ta maison et tout, t'imagines. Mais le but, alors. Non, mais ouais. Je vais essayer de continuer dans la logique. Et du coup, après, il demande des épreuves. Bon, après, les épreuves, moi, je les ai pas faites, donc je suis resté à la première. Mais par exemple, la première épreuve, il demande de se mutiler. Et en échange, il te. Ouais, de se mutiler et de montrer en photo le résultat pour qu'il puisse te donner la seconde épreuve. Donc, j'en déduis que vu que tu me parles, c'est qu'il ne t'a pas tué. Oui, non. Voilà. J'ai même pas passé la première épreuve, mais voilà quoi. Mais c'est quoi quoi le but du truc? Ouais, il y a un truc à gagner, c'est quoi? Je sais pas si vous connaissez le Blue Whale Challenge qui était il y a une époque. Non. C'est quoi? Il y en a eu tellement de challenges à la con. Hein, ouais. Et voilà, en fait, c'était un peu le même principe. C'était une organisation qui proposait des challenges jusqu'à pousser au suicide les gens. Il y a eu pas mal de suicides dans ce genre-là. Oh. Et là, on va dire, en fait, je pense que la personne a repris un peu le même but sous une autre forme. Et ça a été sur WhatsApp parce que, bien évidemment, avant, c'était sur les autres réseaux sociaux. Donc, c'était plus simple. Parce que je crois que sur WhatsApp, c'est crypté. Parce que je crois que les numéros ne sont pas en France. Oui. Je crois qu'il y a toutes les. Les numéros ne sont pas en France. Quel est l'intérêt? Voilà, après, j'ai fait ma petite enquête. Et donc, je sais, du coup, d'où vient sa photo profil, ce que c'est exactement. Voilà, quoi. Et alors, le résultat ? La photo de profil qu'il utilise tout le temps et qu'on voit de partout, c'est une statue d'un japonais qui a créé. Oui. C'est une femme oiseau, en fait. Oui, ça, d'accord. Mais lui, il n'a rien à voir avec ça. Voilà, il n'a rien à voir. Après, je ne sais pas, parce que du coup, il se présente un peu sur la même forme de sa photo de profil, mais je sais pas plus sur ça. Quel âge tu as ? Et après, apparemment, il a 20 ans. 20 ans, donc ça veut dire que toi, ça veut dire que t'as 20 ans et t'as quand même un peu flippé. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes une fille de 12 ans, par exemple, et le gars dit, voilà ta maison, je vais te tuer, tu peux rentrer en crise de panique. Ah bah oui. En fait, j'aime bien ce genre d'histoire, on appelle ça des threads, parce que c'est pas réellement, je pense pas que ce soit réel, mais après, il y a eu des cas de suicide quand même, mais... Ouais, voilà. C'est pour se faire peur, quoi. Voilà, j'aime bien ce genre d'histoire, mais je sais qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Non, mais les histoires pour se faire peur, elles ont toujours existé. Avant Internet, tout le monde se faisait ça le soir au coin du feu. Les scouts, comme ils n'ont pas d'électricité, ils se font flipper dans la tente. Tout le monde a fait sa bordasse. Moi, j'ai mené ma petite enquête concernant la visioconférence. Non, mais c'est inspecteur bordasse. C'est vrai, j'ai mené ma petite enquête concernant la visioconférence où on voit le mec qui ressemble effectivement à la statue homme-oiseau, femme-oiseau. Ouais. Et en fait, apparemment, donc c'est sur Snapchat. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur Snapchat, il y a un moyen de faire un face swap. Avec des photos que vous voulez. Oui. Donc en fait, le mec prendrait cette photo, enregistrerait cette photo de femme oiseau. Oui. Et l'adapterait à son visage. Ah. Donc, en couvrant bien sûr avec une perruque. Il peut faire machin. Une vidéo avec. Ah, et donc tu vois, mais attendez, excuse-moi, pardon. S'il y a des millions de gens dans le monde qui se font avoir, et qui font ça, il va pas faire un million de vidéos pour faire flipper chez lui. Maintenant, ce n'est plus forcément la même personne. Maintenant, il y a plein de personnes. En fait, Momo, maintenant, c'est devenu plein de personnes. Alors, je suis d'accord. Ça a terrorisé des gens. Mais à partir du moment où t'as pas le droit d'envoyer des messages d'insultes, t'as pas le droit clairement de menacer quelqu'un de mort. On a parlé du mec là de 45 ans qui a menacé un joueur de 11 ans sur Fortnite parce qu'il l'a battu et dit toi je vais te tuer. Bon, il a été arrêté par la police. On n'a pas le droit de faire ça. À partir de ce moment-là, pourquoi dans ce cas-là toutes les polices du monde où les gens qui gèrent Internet s'amusent pas à trouver tous les serveurs d'origine et arrêter les mecs une fois pour toutes. Je pense que ça commence à trois comptes différents, en fait. Trois comptes différents. Il en a un en Amérique, je crois, si je ne me trompe pas, un au Japon et un en Argentine. Enfin, je suis d'accord, mec, mais ils arrivent à traquer des mecs qui vont monter des bombes au fin fond de pays où il n'y a pas de satellite. Tu vas pas me dire qu'ils vont pas trouver Momo. Mais ouais, je sais pas. Après est-ce que ça intéresse vraiment, je sais pas. Bon, je te fais un gros bisou, Médéric. Je t'embrasse, mon ami. Merci beaucoup. À bientôt. Et arrête ces conneries. Bosse à l'école. À bientôt. Ciao, mon pote. Ciao. Non, mais voilà, on essaie de. Si vous êtes plus jeune, vous avez fait ça chez vous, appelez-nous 0870 42 48. C'est que de la connerie, tout ça. Hein. Tombez pas dedans. Te souviens-tu de l'ivresse de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse? Nos larmes au bord de la Seine. Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les sous la veste. Toutes ces morsures qui ne s'oublient pas. Toutes ces heures passées dans. Laisse-moi partir avec toi en exil. Mon amour, je baisse les bras. c'est Coé sur Énergie. Vous connaissez Nabil Fekir? Je vais reposer ma question. Vous connaissez Nabil Fekir? Oui. Nabil Fekir, il joue où, les gars? À Lyon. Bordas, il joue à Lyon. Il joue à Lyon, Nabil Fekir. Capitaine. Il est capitaine, très bien, je n'en demandais pas tant. Hier, Lyon a gagné 2-1 face à Manchester City. Grosse perf, bravo Lyon. À la fin du match, interviewé par la télé anglaise, Nabil Fekir a lancé un magnifique, écoutez bien. I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and let's go. Ok, donc Nabil a fait plus de football que de cours d'anglais, mais surtout, il a dit cette phrase. I recoup the ball. I recoup the ball. Alors, le problème, c'est que c'est pas parce que tu mets un accent sur les mots français que tu parles anglais. Tu vois, je suis allé à la bibliothèque pour read the leaves, alright, okay. And to the foils, alright, yeah. Donc I recap the ball, tout le monde était mort de rire parce qu'il a voulu dire j'ai récupéré le ballon. Mm-hmm. Alors le public depuis tout à l'heure vous foutez de sa gueule, comment on dit j'ai récupéré le ballon en anglais? Mademoiselle bonjour, quel est le prénom? Bonjour, Laetitia. Laetitia, comment on dit j'ai récupéré le ballon en anglais? J'ai récupéré le ballon en anglais. J'ai marqué. Tu peux tenter, hein, tu peux tenter. Tu peux répéter la phrase? J'ai récupéré le ballon. I get the ball. I get the ball. C'est pas mal. Hein? I get back. I get back the ball. I get back the ball. Yeah. I get back the ball. Oui, right. C'est logique, ça se tient, ça. I receive the ball. I receive the ball. J'ai reçu la balle. Ok. Yeah. I receive the ball. Yes. I get back the ball. Or I receive the ball. Si, lequel je garde? Probable. I receive the ball. Ok, I receive the ball. On passe derrière. On passe derrière. Allez, tu parles anglais. T'as intérêt. Comment tu dirais? J'ai récupéré le ballon. I keep the ball. Toi, tu la gardes, toi, tu le gardes. Non, je le garde, je ne l'échange pas. Je garde le ballon, I keep the ball. C'est mon ballon, c'est à moi. Lâchez-moi, c'est mon ballon. I retain the ball, je note. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? I get back the ball. I get back the ball. Vous savez quoi? Nous avons Elsa, notre traductrice, Elsa Najjar, celle qui traduit toutes les plus grandes stars américaines. Ça va, Elsa? Ça va, mon coco? T'es en forme, tout va bien? Ouais, ça va et vous? Mais oui, tout va bien. Hey. I recoup the ball. I recoup the ball. Alors bon, ça c'est... Non, c'est Nabil Fekir, je peux pas dire toutes les conneries du monde. Ah, très bien. Alors, parce que c'est laquelle phrase que je dis, moi, qui est pas anglais, Elsa? Take the place. Take the place. Take the place. Quand tu veux dire aux artistes de prendre place. Mais take the place. Take the place. Mais je leur dis les yeux dans les yeux. Hein. Ils osent pas me dire que j'ai faux, je leur dis take the place. Bah non, c'est ça qui est drôle. Et comment on dit déjà? Ah bah je te dirai pas. Take some. Comment on dit? On dit pas. On dit. En fait, comment on dit? J'ai récupéré le ballon en anglais. I got the ball back. I got the ball back. Alors, on nous a dit I un... got the ball back. Et non pas voilà. I get back the ball. Il y était presque. Non, pas là, non. C'était pas dans le bon sens. I got the ball back. I recoup the ball. Non. Crétin. I got back the ball back. Non, I got the ball back. J'ai oublié. I got the ball back. I got the ball back. Take the place. Voilà. Elsa, je t'embrasse. Merci. Bisous, Elsa. Dans un instant, nous aurons le kiki roule, nous aurons la famille, l'ermite. Ils sont au volant, ils sont en haute Savoie. Ça va la famille? Voilà, il y a plus de téléphone. Un cri, un accident. A tout de suite, on est de retour. Bougez pas, on va les rappeler, on va les rappeler. Vous avez 50 000 raisons d'écouter Énergie en septembre. Et vous avez une chance de gagner 50 000 euros. Avec la playlist Suprême Énergie. La playlist Suprême Énergie, c'est Jane. Divaphone. Alvaro Soler. Eddie De Preto. Mais moi, je joue avec les David Guetta. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Oh, c'est dingue ça! Ce week-end, Canal Plus diffuse les deux Olympiques! Ah bon, déjà? Mais Tokyo, c'est pas tout de suite! Ah non, non, pas les Jeux, les deux Olympiques! L'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille! Ah ouais, je me disais aussi, trop cool! Ça promet du beau jeu! Du beau jeu? Olympique! Ce week-end, deux Olympiques, un seul sommet. Dimanche 23 septembre, ne manquez pas le choc de la Ligue 1 Conforama, OLOM, à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal Plus. Rendez-vous sur canal.fr.

Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malins, faites confiance au label rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, bougez plus. C'est ma femme qui m'avait dit, chez Opel, ils prennent tout ce qui roule 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. J'ai dit 4300 euros contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si, j'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. En plus, l'offre, elle était prolongée jusqu'au 30 septembre. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. En prolongeant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 septembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4300 euros minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, avec des profs ou des collègues relous que vous avez fait semblant d'écouter et vous voilà dans les transports. Là, vous vous dites que c'est vraiment une journée de merde. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, Coé sur Énergie de 17h à 20h. Vous allez sauver votre journée. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie, vous l'avez noté, le 2 octobre. Je vous avais dit qu'il reviendrait. Tu portes mon nom. Le 2 octobre, Dadju sera notre invité. Il sera dans l'émission ici, coépublic@energie.com pour être là. C'est quasiment full la semaine prochaine, hein, je vous le dis. Si vous y êtes pris trop tard, eh bien c'est... trop tard. Mais continuez, il en reste encore quelques-unes. On va se débrouiller. Aujourd'hui, si vous venez de rater des trucs dans l'actu, Marine Le Pen a donc refusé de se soumettre au test psychiatrique. Voilà, c'est dans l'actu, c'est sur votre téléphone portable. C'est même pas psychologique, hein, c'est psychiatrique. Ouais. Voilà, elle aurait simplement déclaré au médecin... Croyez-moi, je ne suis pas dingue. Voilà, mais ils sont rassurés. Ah, mais ils ont dit ça va alors. Bien sûr. On savait pas bien. Bon, j'ai reçu quelque chose. Oh, oh non. C'est le moment. Oui, je m'attendais à ce qu'on me l'imprime. Mais j'ai pas, du coup, j'ai pas regardé, j'ai attention, pas osé. Attention. Attends, qui ouvre quoi? Attention, attention. Dans un instant, je vous offre. Non, pas Coco. C'est ce qu'on va faire. On va faire un truc. Dans ah un oui, instant, non, pas toi, parce que. Mais attends, laisse-moi finir. Dans un instant, je vous offre 1000 euros grâce à unmaxdecode.com. C'est ça. Pour passer le permis de conduire plus des abonnements. Jeff a passé son code ce matin. Oui. La réponse est arrivée. Tu la gardes encore un peu. On va faire la famille qui nous écoute, qui est en haut, au Saravois, qui va jouer au qui roule. Ensuite, on écoutera quoi Vas-y. Je sais pas, dis-moi. Ah, mais non, ce sera Alvaro Solaire. Voilà, très bien. Je suis solaire également. Solaire. Qui sera là jeudi prochain. Qui sera notre invité la semaine prochaine. Et après Alvaro Solaire, tu donneras le résultat. Et en fonction, si Jeff ne l'a pas, il invite le public, il commande à manger. Et si jamais il l'a, c'est moi qui commande. Arrête, s'il te plaît, triche pas. Non, mais que... T'as regardé, tu connais le résultat? Non, je le connais pas. J'ai demandé à ce que Pierre me l'imprime et j'ai pas regardé. Regarde-moi dans les yeux. T'as pas regardé? Ah, j'ai pas vu. Il le sait, il a imprimé. Quel mytho. Est-ce que moi je peux regarder sans le dire à personne? Non, mais non. Non, après. Non, on après. Garde tout secret. Je vois pas à travers. Non, mais c'est quand même l'air con si je l'ai pas là. Bah, c'est sûr, si tu ne l'as pas, ça va te coûter l'air con à ton porte-monnaie surtout parce qu'il va falloir leur donner à manger à ce public. Hein. Ah oui, ils ont faim en plus. Ils ont faim? Vous avez faim? Ouais! Non mais c'est juste on une dégustation. Pas, on pouvait pas avoir un... des mannequins là qui viennent de qui se font venir, qui veuillent une feuille de salade. Qu'est-ce que tu veux? Une laitue, une batavia. C'est un jeu. Une feuille. Le problème c'est qui va payer. C'est surtout ça aussi. Bah, c'est ça. On s'en pour l'instant, ou pas. Réponse dans 3 minutes. Restez avec nous. Pour l'instant, voici la famille l'ermite. Alors arrêtez de crier, ça a coupé. Hein, criez plus. Hein. Ils sont en Haute-Savoie. Il y a qui dans la famille l'ermite, les amis? Le papa, la maman. Le papa, la maman, la grande fille, la moyenne fille et le bébé. D'accord, ok, très bien. Et vous allez où là? Bah là, on va sur Cruzaille chez des amis. D'accord, très bien. Excusez-moi, vous n'avez pas, ils ont pas école les enfants demain? Eh ben justement, c'est pour ça que ça fait juste un petit moment qu'on t'attend, petit coco. Non mais si vous allez chez des amis, comment ils vont à l'école demain? T'inquiète, on gère, on rentre rapidement. Ok, t'inquiète, on gère. Ouais. Ça sent la fausse excuse pour demain. Mal au ventre, je suis malade. Alors le papa s'appelle comment? Mathieu. Mathieu, la maman s'appelle? Alex. Salut Alex, les enfants s'appellent Jade. Bonjour ma petite Jade, tu vas bien? Oui. Oh, t'as une trop jolie voix Jade, quel âge tu as? 9 ans. Est-ce que tu travailles bien à l'école Jade? Oui. Voilà, mais à cause de ton papa qui ne t'emmènera pas à l'école demain, tu vas chuter en moyenne. Oui. Ça va être une catastrophe. Les autres enfants s'appellent comment? Comment c'est? Eden. Eden, oh, c'est joli. C'est très joli, quel âge tu as Eden? C'est trop mignon. 20 ans dans une semaine. D'accord, merci de cette précision inutile. Eh ben et vous savez quoi? Quand j'entends des petites voix comme ça, ça me donne envie de, franchement d'avoir des enfants de cet âge-là. Oui. C'est mais génial. Je réfléchis après. Mais non. Et le bébé s'appelle? Il s'appelle Iron et il a 11 mois. Ah bah là, Iron. Je vais tenter un truc quand même. Iron, tu es là? Voilà. S'il m'avait dit, ouais, c'est vrai, je suis là. Ouais. Iron Man. Ok. Oh non. Alors, voici la question. On commence par le papa. Concentration, il y a quoi à gagner? Nintendo Switch. Une Nintendo Switch. C'est pour Eden. Ah bah ce sera pour qui vous voulez. Mathieu, question papa. Qui a marqué le but du PSG lors de la défaite à Liverpool mardi soir? Bah alors là on va être dans la merde parce que moi le foot ça fait 4. Ah bah écoute, je peux pas t'aider non plus. Joueur très connu qui joue au PSG, qui a cartonné en équipe de France. Mbappé? Ouais, voilà, il en a mis un, voilà, je valide, voilà. Et l'autre, c'est Meunier. C'est Meunier, tu connais oui, pas. Mais... Tu dors? Question maman. Tu es là, Alex? Oui. Écoute-moi bien. Hormis la pâte, quels sont les ingrédients de la quiche Lorraine? Bah, les œufs, les lardons. Ouais. Oui, ensuite. T'as encore oublié, est-ce que tu es cyclatine dessus? Ah, du fromage? Oui, parce que si tu mets que des œufs et du lardon, ça va être sec. C'est du parpaing, hein? De l'eau, de l'eau, de l'eau! C'est vraiment super manger à la maison! De la crème liquide, du sel, du poivre, je valide tout ça, je valide très bien. Alors, Jade? Oui? Oh là là. Tu es prête à jouer avec nous? Oui. Tu vas jouer avec Eden, vous allez jouer toutes les deux. Si jamais vous avez la bonne réponse, je vous offre la Nintendo Switch. Si vous n'avez pas la bonne réponse, tout est perdu. Pression. Comment s'appelle... Et les parents n'aident pas. Comment s'appelle le jouet qu'on tient entre le pouce et l'index qui tourne sur lui-même et qui aujourd'hui est ringard? Un quoi? Un hand spinner. Qui a répondu ça? Jade. c'est gagné pour la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, on vous l'envoie chez vous à la maison, c'est gagné, ça va ? Bravo Jade, gros bisous. Merci. Oh, ils sont trop mignons, soyez prudents jusqu'à là où vous allez quand même. Soyez prudents, ça tourne en Haute-Savoie, c'est pas tout droit tout le temps. Hein. Non, il y a des ravins quand même. Si hein. vous allez tout le temps tout droit, ça posera problème à un moment donné. Alvaro Soler sur Énergie. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. A la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. C'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je voudrais juste vous dire que je suis très content que la famille ait gagné une Nintendo Switch. Oui, le la famille roule, l'ermite. Le qui roule, on le refera régulièrement. Ah, c'est trop voilà, bien. J'adore. C'est, vous avez, ça me fait plaisir. T'as entendu la voix de la petite qui a gagné son truc. Donc, on, dès que vous êtes Jeanne. En voiture, on le refera et ça va être un kiff. Ouais, ils vont jouer à la Nintendo Euro, c'est grâce à nous. Ah, ouais. J'adore quand tu distribues de l'amour, mon frère. J'adore ça. La Nintendo Switch à la famille l'ermite. J'adore, je te griffouille, mon frère. J'adore ça. J'adore ça, j'ai eu au téléphone après. Ouais. Hey, ils étaient comme des ouf. Et ils veulent venir au studio, j'ai dit, y'a pas de soucis, y'a des Nintendo Switch. Ah chier, y'en a encore quoi. Une darka. Une darka. C'est une darka, c'est la foire fou ici, les frères aujourd'hui. Sur la tête de Tata Jouba. C'est une darka. Et si c'est une foire fou, c'est une darka. J'adore. Vous me fatiguez. Bon, alors, en attendant, Stouff, avant qu'on ouvre l'enveloppe pour savoir si Jeff a eu son code de la route et qui invite le public. Et comment tu le sens déjà, Jeff? Ouais. Ben, je vous ai. Moi, je veux, ah, je sais pas quoi dire. Non, mais t'as pas révisé. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, je vais vous dire un truc. Oui. J'ai pas vu les résultats. Oui. Tu le sens comment, toi? Dans le public. Ceux qui pensent que Jeff a eu son code, levez la main. Il y a ils sont 3 mec. 3. Ceux qui pensent qu'il ne l'a pas eu, levez la main. Ils sont 124. Tout le reste. Ceux qui n'ont pas compris ma question, levez la main. Ok, ça va, j'ai eu peur. Ouais, j'ai bossé. Enfin, après, j'ai pas bossé non plus. J'ai pas bossé 8 heures par jour. Non, mais les gens te prennent pour une buse, quoi. Mec, je pense que ça va te coûter un bras, cette histoire. Ah, oh, mais je fais une note de frais. Non. Ah, non, tu fais pas de note de frais de rien du tout. Non. C'est toi qui invites. Oui. C'est toi qui invites, et si jamais tu l'avais, c'est moi qui invite. Donc, ouverture de l'enveloppe. Je sais pas quoi dire. Vous n'avez pas regardé dedans pendant les titres? Non, on n'a pas regardé. Je suis très curieux. Bon. On ouvre? Je sais pas, non, je l'ai pas. C'est sûr, je l'ai pas. Allez. 8 fautes hier, mec, tu veux pas passer. J'ai été abonné 8 fautes. Je l'ai fait 4 fois à blanc, 4 fois 8 fautes. Mais t'as dit que c'était plus facile, là. Bah, c'est ce que j'ai cru, mais au bac, j'ai cru ça aussi. Et je l'ai pas eu. Jean-François, Félix, Maurice. C'est toi. Félix, Maurice. Né le 27-05-77. Félix, Maurice. Bon, on met pas l'adresse. Ok. Alors, on rappelle, s'il l'a pas, c'est lui qui invite tout le monde. S'il l'a, c'est moi qui invite tout le monde. Ouais. Non, arrêtez. Oh putain. Non, c'est chiant. Alors, lequel des deux a de l'argent sur lui ce soir? Mais j'ai jamais d'argent sur moi. Lui non plus. Si, j'ai ma carte bleue. J'ai ma carte bleue, oui, c'est tout. Enfin, attendez, quand on dit bon, on va bouffer, on va pas tous au resto ou... Non, je les invite, celui qui gagne, on fait commander, on commande des pizzas pour tout le monde. Ils choisissent ce qu'ils veulent, de la 4 fromages. Ah non, mais de la petite pizza. Combien de fautes déjà? Alors, rappelle le truc, si Jeff a le code, c'est qui paye? Si Jeff a le code, c'est moi. Oui. S'il l'a pas, c'est lui. Ah non. Jeff. Mais de toute façon, c'est pas possible. Il est 19h10. Donne le résultat. Il est 19h10. Combien de fautes? Combien de fautes? Attends. Non, putain. Combien de fautes? Mais dis-lui qu'il est là. Mais dis-moi. Tu l'as pas. Paris, c'est un 6 fautes. Hey. Moi, je dis 4 fautes. On donne le résultat ou pas? Donne le résultat. Le résultat. Moi, je suis sûr que tu l'as. Accepté. Combien de fautes? File tes cartes, allez. Combien de fautes? 3 fautes. 3 fautes. Bravo. Bravo. Ça va, Coco? Non, ça va pas. Je pense que l'émission va se terminer plus tôt. C'est pas tant qu'il l'ait eu qui m'énerve, c'est ce que vous m'avez donné de me faire qui m'énerve. C'est l'ascenseur émotionnel. Ah bah nous, dès que tu payes, on est content. Moi, je prendrais une grande cannibale avec Cheesy Crust, s'il te plaît. Une cannibale. Bon bah tu donnes ta carte à Pierre peut-être. Non, à Jeff. Parce qu'il est dit, hein. Qui veut de la 4 fromages dans le public? Levez la main. Ah non, la royale. Qui veut de la 4 saisons, multiples saisons? Qui veut? Bon, qui mange pas de viande? On va gagner du temps. Ah, moi. Ok. Non, mais qui a faim? Excuse-moi. Bon, qui a faim? Alors, je crois qu'il y a 14 pizzas au caviar pour commencer. Ensuite pizza à la truffe. Pizza. Qui veut un pot de champagne pour mes couilles? Non, pardon. Ça n'existe pas sur la carte. Je vais vous prendre de la spicy, de la carnivore, du bœuf, du standard. Non, mais pas tes. Non. Non. On a un catalogue, on a un truc? Non. Ah, oh, je me sens bien là. Ah, il a donné la carte. Il a donné la carte. Alors, non, mais c'est une pizza par personne. Attends. Donne-moi le code. Déjà, je t'ai pas donné le code. Écoute les consignes. Alors, c'est quoi le code? Alors, ils ont pas très faim. Se calme, hein. C'est pas deux pizzas par personne. Une seule. Tu donnes le code. D'accord. Oh, non, entendu. 3722, ok. Arrête, il y en a qui vont l'attendre à la sortie du studio. Alors, 3722. Bon, fais pas la tête, c'était ton idée. Hein. Le papier. Coco, c'était ton idée, ce jeu. Hein. Dans quelques minutes, nous ferons livrer des pizzas pour tout le public. Bravo. Et merci à Max de Code. Ah bah oui. Oui. Ah, je les remercie bien. Hein. Ah, je sais pas comment leur dire merci. Max.com. Bienvenue sur Énergie. Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer ça m'encèle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, oh, pour oublier. Sur Énergie. On est sur Énergie tout le monde. Dans un instant, on continuera de reparler du Momo Challenge. On a mais eu pas mal d'explications. Aussi. Attends, ça va. Elles ont été commandées, elles arrivent quand? Dans 5 minutes. Sérieux? Il est super efficace. Mais oui, super efficace. J'allais dire, il a que ça à faire. Bah oui, en même temps. C'est son métier. Il va pas arrêter ce qu'il fait, il fait que ça. Bon, le public, on amènera. Bah après la pub en plus, ça tombera bien. On aura Maxence dans un instant, ancien gendarme qui nous parlera du Momo Challenge de son côté à lui. Il va un petit peu donner des conseils, tout ça, ce truc qu'il ne faut pas faire si vous êtes trop jeune et si vous êtes sensible. Et une info, vous vous souvenez que Closer avait publié en 2012 des photos de Kate Middleton seins nus. Oui. Oui. Voilà, c'était très joli, c'était efficace, on a beaucoup aimé. Eh bien, c'était une villa au bord de la piscine. Closer vient d'être condamné à 45 000 euros d'amende. Ouf. Et il y avait déjà 100 000 euros de dommages et intérêts à verser au couple. Ça fait 145 000 euros. Je vais être honnête avec vous, ça fait cher le téton. Oui. Ah oui. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais en même temps, pas le droit, pas le droit. Hein. Je me souviens, une fois, Closer avait pris Jeff en photo. Oui. Tout nu devant une piscine. Ouais. Il a eu 5 euros de dommages internes. Ah ouais. Et puis, ça allait sur 4 pages. Hein. 1 euro par centimètre. Mais elle était froide, la piscine. Ça, c'est la vengeance. Restez avec nous, on est sur Énergie. Dans un instant, distribution de pizza pour tout le monde. Ouais. Et le balance ton pote va arriver. J'adore ça, tout de suite. Les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Quelle est la question à poser à quelqu'un que vous désirez mieux connaître, Isabelle? Tu te vois comment dans 10 ans? Oh, c'est dur ça quand même. C'est important de savoir. Tu te vois comment dans 10 ans, toi? Oh, c'est dur comme question ça. Voilà. Ouais, bah, c'est toi qui l'as posé. Glandu? Moi, je pousserai la personne dans ses retranchements. Je lui dirais, avoue-moi un truc sur toi que t'as jamais dit à personne. Ah. Ouais, mais enfin, un premier rendez-vous, t'imagines? J'ai tué quelqu'un. Eh bien, je ne prendrai pas de dessert. Ouais, c'est ça. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. MMA, la vie en direct, interruption spéciale. Benoît, vous êtes dans la rue. Oui, je suis à la poursuite de Romain, un homme toujours en mouvement, que ce soit en auto, moto, vélo ou en bateau. Oula, mais pour assurer tout ça, il doit pas s'en sortir. Ah si, MMA a inventé MMA Mobilité Premium pour l'assurer dans ses déplacements partout en France et en Union Européenne. Désolé. Envoyez la pub.

cela. Alors, une info avant que la nourriture n'arrive. Une info, il paraît que Pamela Anderson, qui était la star de Danse avec les Stars. Oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un coup de buzz de TF1? Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont déjà fait. Parce qu'ils sont très très buzz hein, cette année. Ils sont très dans le délire de. Ils ont besoin de ça. Il paraît que là, donc Pamela Anderson se serait blessée. Déjà? Ils sont pas sûrs qu'elle fasse la première émission de Danse avec les Stars. Attends, l'émission n'a pas commencé encore. Oui, elle a pris 400 000 euros. Hein? Moi, je vous le dis, hein, à 400 000 euros, je veux bien faire cette émission-là, je me pète la cheville, je fais comme elle, je boitouille. Je me suis déjà pété la cheville pour rien cet été, alors à 400 000, je te fais les deux. Hein. J'arrive sur les genoux, je vous dis, j'ai pas de soucis. Et pareil, donc ça se passe déjà pas bien avec la prod. Vincent Moscato aussi. C'est ça, oui, apparemment. Voilà, moi, j'aime bien Vincent Moscato, mais alors, excusez-moi, j'adore ce mec. Vraiment, ça fait partie des mecs que j'aime beaucoup. Très sympa. Ne vois pas ce qu'il va foutre dans Danse avec les Stars. Ah, question Moscato, de l'argent. Moscato, il a une grande gueule, il désingue tout. Et là, il va faire l'émission la plus. Ouais, mais c'est le décalage. Le rugbyman qui fait de la danse. Mais oui, le décalage, je le comprends pour la chaîne. Mais lui, putain, faut se regarder dans le miroir, quoi. Lui, il s'en fout, il fait ça pour les sous. Bah oui. Il sait qu'il va pas durer pendant toute l'émission. Il a à prendre, il le prend. Bah ouais, mais il se débrouille bien sur une autre radio. Il fait plein de trucs. Il ne gagne pas à faire ça, quoi. Il a pas à faire ça. En plus, c'est du bonus. Oh non, il y a des limites. Ça, non, c'est une expérience. En plus, il va rencontrer Pamela Anderson en plus. Ah non, mais moi, je vous l'ai déjà dit, je trouve que c'est l'émission la plus ringarde de la Terre. Ah ouais. Pour moi, dans Danse avec les Stars, il y a pas pire. Je trouve que c'est le truc. Quand je les vois là faire leur truc de tcha-tcha quand ils sont tous alignés avec la main qui bouge, je trouve ça. Mais c'est parce que t'aimes pas la danse. Tu viens de danser, t'en as chié. T'as un mec qui fait 1m50 qui te dit ouais, je sais pas si tu l'as bien fait, Lou. Quand tu danses comme ça, t'aurais pu mettre un peu plus de peps. Vas-y, du peps. Tiens, non, quand il y en a qui dansent bien. Mais moi, je les mangerais, je les tuerais. Je serais là, j'aurais fait deux pas de danse. D'abord, je serais en sueur. Mes écoutilles, mes oreilles seraient fermées. T'es jaloux, arrête. Mais oui, je n'y arrive pas. Mais même à regarder, je trouve que. Non, t'as des bons danseurs qui sont beaux à regarder. Ouais, mais là, c'est pareil. Je peux avoir mon avis de téléspectateur. Oui, d'accord. Bah, Iris Mittenard, tu vas la regarder pour voir comment elle est. J'en ai fou d'Iris Mittenard. Je vais pas regarder la télé pour Iris Mittenard. Mais je m'en fous d'Iris Mittenard. Tu crois que je vais me taper un vendredi soir à la télé pour Iris Mittenard? Mais pourquoi pas? Je m'en fous totalement. Qu'elle fasse des triples sauts et qu'elle soit super danseuse ou pas, je vais pas regarder ça. Bah, quitte à regarder, autant regarder Moscato. Là, ça va être drôle. Ah, là, ça va être marrant. Mais il y a d'autres trucs qui vont être marrants. Mais franchement, non, voilà, c'est mon avis perso. Il y a plein d'autres trucs que j'aime bien. Compris sur TF1, il y a plein d'autres trucs que j'aime bien. Mais le Danse avec les Stars. Mais c'est pas une question de TF1. C'est que ce format mondial. Même quand je le vois aux États-Unis avec beaucoup plus de moyens que sur TF1, il y en aura moins de moyens cette année. Je trouve ça tellement ringard, ces mecs qui n'ont plus de boulot et qui vont là pour faire un truc là. Oh là là. Voilà, alors mais faut pas avoir de boulot pour danser 8 heures par jour. Regarde Moscato, il a du boulot, il le fait. Oui, bah il va pas le faire longtemps. Payez combien qu'il va se casser au bout de 2 semaines. C'est 2-3 semaines. Je le connais, il a une grande gueule, au bout de 15 jours, il les envoie tout chier. Il en aura marre. Bah déjà là, à mon avis. Déjà faut qu'il s'amuse. Moi je sais ce qu'il faut faire, c'est quand tu danses là, tu dois rien du tout. Ça a mal se passer. Ils vont en manger. Je pense qu'il va manger le public. Non, mais voilà, c'est mon avis. Mais t'es pas sport de toute façon. Voilà. T'es pas sport. Je suis pas cha-cha, je suis pas rumba, je suis pas tout ça. Voilà, excusez-moi. Bon, une émission qui s'appellerait Mange avec les Stars. C'est bien ça. Vous savez quoi? Eh ben, on va faire Mange avec le public. Les pizzas sont arrivées. Transition. Oh merde, j'ai acheté tout ça. Oh la vache. Oh là là. Tout ça. Mais je crois que ça c'est que la part de Jeff. Oui c'est pour moi ça. L'entrée de Jeff est arrivée. Pour les 3 points. Alors on a des pizzas, on fera la distribution. Papa pendant que je parle hein, parce que sinon tout le monde va manger. Ils vont plus. Ça va être froid. Comment? Au moins nous quoi. Ça va être froid, il pense qu'à la pauvre. Non mais c'est vrai, après le fromage. Toi dans Danse avec les Stars tu me ferais rire. Moi j'adorerais ça. Rêve pas, ils t'appelleront pas. Mais franchement tu me ferais rire parce que t'es tellement premier degré avec la danse que t'essaierais de bien faire. Bien évidemment, mais moi j'aime bien tout bien faire au premier degré. Tout ce que je fais c'est toujours très premier degré. Tout. Ça me saoulerait. Tu viendrais me chercher un lundi matin pour dire 9h répétition, mais même pas j'y vais. Attends, faut y être à 7h. Et puis en plus ce qui me fait rire c'est quand tu vois l'émission de télé. où ils sont tous apprêtés en robe, oui. maquillés. Oui. Et qu'ensuite, ils te montrent les images de l'entraînement où ils arrivent lundi 9h, les filles, elles sont en vrac. Elles ont mis un legging qui ressemble à rien. Mais tu crois que le matin, elles sont pas comment, maquillées. Nous, mais c'est vrai que tu les vois danser, t'as l'impression que c'est leur mère dans l'entraînement. Tu vas voir, on va aller voir les miss sans maquillage, on va rigoler. Oui, je suis sûr. Vincent Moscato sans maquillage. Ah bah non, ça sera pas. Ça change rien. Non, mais voilà. Ah, mais il a raison, c'est l'émission de télé quand même. Attends, je te demande comment t'es au réveil, toi. Dégueulasse. Bon bah voilà. Je vous le dis, mon iPhone 10, il m'a pas reconnu un matin. Il a jamais voulu s'ouvrir. J'ai dû taper mon code. Je mettais ma tête devant. Je dis, c'est moi, t'es con ou quoi? Je mettais dans la lumière. J'étais tellement défroissé verticalement qu'il n'arrivait pas à s'allumer. Bienvenue sur Énergie. Allez, le public va manger. Ça me fait plaisir. Dans un instant, nous revenons sur pas mal de choses. T'as fait un applaudissement solitaire. T'as commencé. Ah, mais pizza, allez. À tout de suite. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. La pizza. Non, mais. Elle est bonne cette pizza. Elle a un goût spécial puisque c'est toi qui l'as acheté en fait. Ouais. Elle a un goût de victoire. Ouais, exactement, je le sens bien. Bon, on change de sujet. On arrête dans avec les stars, on arrête la pizza, on arrête tout ça, d'accord? Ouais. Oh, j'adore les pizzas, mon frérot, elles sont. Hey, c'est de la tuerie! Ouais, j'ai pris une tartiflette, frérot, j'adore ça. Ouais, tu l'as griffouillé? Ouais, je l'ai griffouillé, j'ai défoncé. On a Maxence qui est en ligne. En diamo pizza. C'est la c'est tarca, bon. Ça, t'es là, c'est bien. On fait un bisou à Maxence. Comment ça va, Maxence? Salut, Coé, salut l'équipe. Maxence, bien mon ami. Maxence, ancien gendarme. On va revenir et on va terminer là-dessus sur le Momo Challenge. Tout à l'heure, avant la fin de l'émission, on reviendra sur les chanteurs de rap qui ont changé. Bah, les textes ont évolué. Autre temps, autre mœurs. Mais pour l'instant, Maxence, pourquoi ancien gendarme? T'as été combien de temps gendarme? Ah, malheureusement, j'ai pu l'être que 2 ans. Pourquoi malheureusement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mon arme de service est partie. J'ai été blessé en service, donc après, j'ai été radié des 4 pour une aptitude médicale. Et tu peux plus être gendarme même dans les bureaux? Parce que malheureusement, j'étais gendarme adjoint pour encore sous-officier, donc je passe quand même l'école de sous-off et je pouvais pas tenir 9 mois avec mon état médical. Ah mince, qu'est-ce que t'as eu sans indiscrétion? un accident de voiture où quelqu'un nous a percuté dans le véhicule de service et moi j'ai été blessé à la colonne vertébrale. Oh merde, et comment ça va maintenant? Bah écoute, on se remet, ça fait 2 ans, on se remet petit à petit, hein, écoute. Quand on veut quelque chose dans la vie, on se relève et puis on y va. Hein. Ben justement, je veux dire, tu peux te relever, c'est sans mauvais jeu de mots. Je veux dire, tu peux te dire debout, c'est pas. Ah bah d'après les médecins, j'aurais dû être mort. Maintenant, je marche, je peux courir, je peux tout faire. C'est un miracle de la route, donc voilà, tout va bien maintenant. C'est déjà une bonne nouvelle. Tu n'es plus gendarme, mais au moins tu remarches. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Donc, on voulait parler du Momo Challenge. Donc on rappelle pour ceux qui vraiment ne sont pas intéressés, mais en ont vaguement entendu parler. C'est un délire avec un numéro de téléphone. Ça se passe sur WhatsApp. Et en fait, beaucoup de jeunes ont flippé parce que d'un seul coup, ils voient des infos personnelles, la photo de la maison, etc., etc. Et il y avait des défis et il y avait ces trucs qui se baladaient à base de si jamais tu ne fais pas ce défi, je viens te tuer, etc., etc. Et des jeunes filles et des garçons très jeunes, souvent, ont pris très peur en se disant que c'était un vrai fantôme, qu'il était forcément, il y avait un esprit là-dedans. Des gens fragiles. Voilà, des gens, oui, mais il y a beaucoup de gens fragiles. Ah, c'est vrai que ça arrive, c'est à l'air bien fait. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Déjà, moi, je suis impacté personnellement parce que j'ai un ancien collègue, son fils de 12 ans, lui a essayé de mettre fin à ses jours à cause de ce vieux-là, que je ne connaissais pas juste avant. Je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler de lui non plus. Donc après, son père, une fois qu'il a fait sa TS, il a cherché dans le téléphone, on a compris pourquoi, donc on a cherché à se renseigner un peu sur le sujet quand même. Et au final, c'est des bons gros abrutis qui se sont amusés à faire, en fait, ça n'a rien d'une vraie personne, c'est juste un logiciel qui a été créé. Quand on s'inscrit sur WhatsApp, c'est tout con. C'est comme n'importe quelle appli, on donne l'accès à nos SMS, à nos appels, à notre répertoire. Il y en a même qui se connectent via Facebook. Et en fait, lui, il a accès à tout ça. Lui, c'est bien l'ordinateur. Il a accès à tout ça vu qu'on a donné l'autorisation à tout ça. Et il se sert de ça, de ta position actuelle et tout ça, pour essayer de te piéger. Après, il dit, si tu ne fais pas, je viens te tuer. La plupart du temps, il pousse au suicide. Ce qui se passe malheureusement dans les pays tels que le Brésil ou autre, parce qu'en plus, ça ressemble un peu au dieu de la mort chez eux. Donc voilà, il s'en prend surtout aux personnes, psychologiquement faibles. Oui, mais alors, on va revenir à ce qu'on s'est dit à un moment donné. Non, mais... Le but là-dedans, c'est quoi? Oui, c'est ça. Oui. En fait, le but, il est complètement pourri. C'est juste des mecs qui ont créé ça en se disant, on va faire un kiff, on va lancer des défis à des gens, et s'ils ne le font pas, on va essayer de leur faire peur. Sauf non, mais... que les mecs, c'est là qu'on vit psychologiquement, c'est eux qui vont pas bien, c'est qu'ils s'amusent de la mort des gens, parce que ce jeu, il a quand même fait déjà 3 morts. Ah, c'est horrible. Oui, mais ce que je veux comprendre, c'est que si par exemple, il y avait un but commercial derrière, genre si par exemple, allez, on pousse, non mais tu vois, je te coupe, en disant on pousse, allez, je vais te tuer, mais si tu m'envoies ton numéro de carte bleue, je te tuerai pas, une finalité derrière, une sorte d'escroquerie un peu. Bah oui, une sorte de petite escroquerie, comme il y en a beaucoup. C'est vraiment mesquin plutôt. C'est vraiment ça, c'est juste le plaisir de faire souffrir. Malheureusement, il y a des pathologies comme ça qui existent. Hein. Ce qui est psychopathe. Chez les gens, il y a des petits bébés qui ont des envies malsaines comme ça. Et c'est malheureusement leur problème à ces gens-là. Si on a compris un peu les prémices des enquêtes dans le monde, ça viendrait plutôt du Japon, les créateurs de ce logiciel. C'est pour ça que je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des petits malins sur YouTube, des mecs qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui s'amusent à faire des vidéos. Faites pas ça. Et moi, je le fais, mais le faites pas. Hein. Ouais, alors, ouais. Comment ça se passe quand je le fais. Alors, ça, je suis totalement d'accord. On s'est engueulé là-dessus avec Bordas qui me disait ouais, il y a des mecs qui sont devenus des stars de YouTube en faisant ça. Et j'ai pas dit que c'était bien. J'ai jamais dit ça non plus. Sors. Non. Bonjour. Mais non, mais j'ai jamais vu ça. Là où je suis d'accord, c'est que. Voilà, c'est ultra racoleur pour te prendre des abonnés et des vues, de dire oh là là, il y a eu un truc avec des morts. Ne le faites pas, mais moi je l'ai fait, je vais vous raconter intégralement et je vais vous montrer des images. Ouais. C'est un peu moyen. C'est surtout qu'en fait, le public qui est visé, c'est vraiment un jeune public. Nous, en tant qu'adultes, si tu regardes les vidéos, les 3/4 du temps, tu verras que quand on voit des SMS, enfin des messages en français, lui, il te répond en anglais instantanément. Il faut regarder un peu là, on en parle nous aussi. C'est toujours la même chose. Quand tu parles d'un truc, t'as toujours des gens qui vont. 99% vont dire ah, c'est une honte. Et t'as 1% qui va dire ah, je vais quand même essayer. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens se sont fait avoir. Si vous êtes costaud, avec du recul, etc., vous allez faire 2 échanges et puis vous dire allez, c'est bon, je me suis fait arnaquer. Ça n'a aucun intérêt. Le danger est pour les gens fragiles. Oui. Voilà. Donc, c'est toujours le problème de. On en parle ou on n'en parle pas. Si on n'en parle pas, ils l'essaieront quand même parce que ça s'échange dans les cours d'école. Mmh. Et vaut mieux en parler en disant que ça peut être dangereux. Et que évidemment qu'il y a eu des millions d'utilisateurs et il n'y a pas eu des millions de morts, mais que même s'il y a ne serait-ce que 3 morts et puis des tentatives de suicide parce que le fils de ton copain. C'est déjà trop quoi. Voilà, c'est déjà 3 de trop et c'est des tentatives de suicide. Voilà, c'est ça. Mais après, je pense que ce qu'il aurait fallu, c'est même pas en parler dès le départ. Maintenant qu'on en a parlé, c'est important d'en reparler par-dessus pour que surtout les enfants, ceux qui sont visés, la cible prioritaire, c'est les enfants, qu'eux puissent comprendre sans qu'on ait à leur expliquer, parce que voilà, les parents ne connaissent pas forcément encore la technologie. Et comme ça, vu que je sais que tu as des auditeurs assez jeunes qui écoutent, ils peuvent comprendre aussi derrière que bah, c'est vraiment une manipulation. Il n'y a rien, ça se sert juste de la position de ton téléphone, de tout ce que tu peux envoyer vu que tu as donné accès. Ouais. Et derrière, on va résumer. On va résumer là-dessus. Il y a zéro fantôme, il y a zéro esprit, il y a zéro tentative de meurtre. Il y a juste quelqu'un qui sert de votre géolocalisation et de tous les renseignements que vous avez mis dans votre Facebook pour vous donner toutes les infos qui éventuellement vous font flipper. C'est comme ça qu'il connaît les noms des familles et autres. Sur Facebook, si ta mis, c'est mon frère, c'est telle personne, lui va se servir de ça si tu es connecté via Facebook. Eh ben écoute, c'est comme quand on t'appelle. Des fois, je sais pas si t'as vu des vidéos, ils t'appellent en 666, le numéro du diable. Ça va trop loin. En plus, franchement, le diable. C'est une voix robotisée. Et t'en as des youtubeurs où ils sont là, ils disent ouais, j'ai pas peur. Et puis quand il y a le 666 qui appelle, ils décrochent, ils disent oh mon dieu, je me suis tué, nanana. Et puis t'entends une voix robotisée, les mecs ils cliquent, ils raccrochent. En plus, franchement, le diable. Mais le faites pas, hein. Ça me fait peur, mais le faites pas. Bon, je te remercie, Maxence. Je te fais un bisou. Merci pour tout ça, en tout cas. À bientôt. Bah écoute, merci à vous et puis bon appétit. Merci. Ah, c'est moi qui ai payé pour tout le monde. Merci beaucoup, Coco. Bon, arrête, c'est bon, ça y est, c'est bon. Ouais, j'ai perdu le pari. Restez avec nous. Nous sommes sur Énergie. Dans un instant, on jouera avec un max de codes pour vous offrir encore le permis de conduire. 1000 euros à gagner dans un instant. Et en tout cas, vos inscriptions et le forfait grâce à maxdecode.com. Respecter quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer, elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier, célibataire ou femme mariée. Ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières. Chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique. Magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques. Elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Johanna va jouer avec nous pour gagner 1000 euros et peut-être le forfait, en tout cas sûrement le forfait, puisque gagnant ou perdant, le forfait pour un max de code.com. Ça va, Johanna? Ça va, Coé? Oui, vas-tu? C'est très bien, ma belle. Tu habites Clamart, tu vas jouer face à Virginie qui habite Roubaix. Ça va, les filles? Virginie va bien? Ça va, je vais bien. Bon, vous êtes prêtes à jouer? Ça va, Virginie? Oui. Oh, t'as vu entre filles? Oh, c'est joli. Ça va, Virginie? Bonjour, Johanna, je te souhaite le meilleur. Oui, mais je veux quand même gagner. Bonne chance à toi. Aucune n'a le permis de conduire, on est sûr? Oui. Eh bien, vous allez jouer avec nous à qui veut gagner son permis de conduire. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue à qui veut gagner son permis de conduire. On va jouer avec Johanna et Virginie. Bonjour Andy, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Voici la première question. Doit-on utiliser le triangle de pré-signalisation si on tombe en panne sur l'autoroute? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, oui. Si t'as pas honte de sortir avec un gilet fluo. Réponse D, oui, mais pas que, mais que de nuit. J'attends ma proposition. Alors, A. Je commence. Et C ou D. Réponse A. Oui, c'est Johanna. Johanna me dit réponse A. Oui. Virginie. Réponse A. Vous me dites oui. Oui. Oui. Et la réponse est non. Eh non, trop dangereux à placer sur l'autoroute le triangle. Piège. Piège. Question suivante. Il est à fond dans le rôle. Comment désactive-t-on le régulateur de vitesse? Réponse A, en appuyant sur la pédale de frein ou d'accélérateur. Réponse B, en appuyant sur le frein à main. Réponse C, en arrachant le tableau de bord. Réponse D, en appuyant sur le commodo d'appel de phare. A, B, C ou D, j'attends la réponse. Alors, c'est de laquelle freiner? C'est celle du milieu. Eh ben, celle du milieu. Donc la réponse A. Virginie? La réponse D. Réponse B? D. D, en appuyant sur le commodo d'appel de phare. Ouais. Hey. Hey. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. On désactive le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale ou le frein d'accélérateur ou l'accélérateur, évidemment. Oh là là, un point pour Johanna, c'est la réponse A à la dernière question. Dans quel cas pouvez-vous prêter votre permis de conduire à quelqu'un? A, dans une situation d'urgence. B, lorsqu'une personne apprend à conduire. C, contre 100 euros en liquide. D, en aucun cas. D, je dirais en aucun cas. Virginie? Non, en aucun cas. Mais c'est la réponse D, bien sûr, bravo, en aucun cas. Bravo. Je fais les calculs. Oh, là, là, là. J'ai ma gagnante. Et j'ai ma perdante. Mm-hmm. Qui gagne? Johanna. Et c'est Johanna qui gagne le permis de conduire. Johanna, le permis de conduire, 1000 euros pour le passé. Les deux, vous avez en tout cas le forfait grâce à un maxdecode.com. Je vous embrasse très fort, Virginie, je te fais un bisou. Merci, un bisou à vous. C'est ma belle, Johanna de Clamart, je t'embrasse fort. Gros bisous, je pourrais venir vous voir? Non. C'est le permis ou nous le permis? Tu viens nous voir quand tu veux, Virginie. Quand tu veux, avec le permis ou sans le permis. Il y a les transports en commun, il y a tout. Tu verras ça avec... avec Guy Claude au standard, qui est même plus au standard. Ah si, t'es là-bas. Pourquoi tu vas là-bas et que t'es là? Ah, parce que l'ordi là, il est en rasera, il me fait un truc de ouf. Tu parles plus, en toi-même maintenant. C'est j'ai pas envie. J'ai perdu ma vraie voix. Allez, c'est le rasera. Reste avec nous. Tu diras à Johanna comment venir nous voir au studio. Restez Johanna, là. Tu veux venir? Dans un instant. Bloqué, bloqué. Dans un instant, on va tenter le coé sans charge. Le principe du coé sans charge, c'est simple. Vous n'osez pas dire quelque chose à quelqu'un, je m'en occupe. A tout de suite. Vos hits préférés. Ici. C'est Énergie. Ici, on profite de la fibre à petit prix avec Orange. Moi, avec Orange, je profite de toute la vitesse de la fibre. Et moi, avec Orange, je profite de la fibre pour 19,99€ par mois. Bah moi et mes enfants, on peut streamer tous en même temps. Oh, t'as la fibre paternelle, toi, dis donc. Moi, j'ai surtout la fibre du mec qui a envie d'être tranquille. Avec Orange, profitez de Livebox Zen Fibre à 19,99€ par mois pendant un an et 41,99€ au-delà. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition, 22€ par mois remboursé sur facture pour nouveaux clients fibre et changement d'opérateur. Engagement 12 mois, détails sur orange.fr. On avait dit pour l'offre, comme quoi Opel reprenait tout ce qui roule, 4300€ pour l'achat d'une Opel Corsa.

see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. C'est la rentrée. Et vous avez un nouveau prof. Et moi. Il s'appelle Coé. Et vous l'aurez tous les jours de 17h à 20h. Autant vous dire qu'à la fin de l'année, vous ne serez pas plus intelligent, mais vous aurez bien rigolé. 17h 20h. C'est Coé sur Le Rico Show à 20h. Avec Aymeric et toute sa bande qui prend la suite. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est pas fini, on a encore des surprises, il y a des cadeaux. Alors avant qu'on donne un petit cadeau à Stouf, je voudrais raconter à Jeff, puisque là pendant la pause pub, il était sur les réseaux sociaux, lui qui dit toujours je ne m'en occupe pas des réseaux sociaux. Je poste rien. Ce mec, quand même, faut quand même que je vous raconte. On mange ensemble vite fait tout à l'heure ce midi. Ouais. Ce mec à un moment donné quitte la conversation. Je te vois sur ton téléphone, je dis qu'est-ce que tu fais, t'écris à ta meuf. Il dit non, je viens d'installer une appli, un jeu. Je fais c'est quoi? Il me dit c'est des ventes aux enchères. En fait, c'est un jeu qui m'ouvre un garage. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je dois miser. Des fois, je perds de l'argent, mais... des fois, j'en gagne. Hein, quoi? Mais c'est quoi le ce mec, c'est les émissions de télé. Tu vois le truc sur RMC Découverte, ils ouvrent un garage. Et les mecs font, oh, j'achète ça 2000$. Et puis, oh, bah, je vais peut-être revendre. Ouais. Et ben, il y a un jeu. Mais un jeu, virtuel, donc. Un jeu virtuel avec des petits bonhommes dégueulasses et des garages. Et Jeff, il passe des heures dessus. Il dit, ouais, tu sais, des fois, tu peux prendre les lunettes infrarouges pour voir le garage. Ouais, mais parce que c'est la stratégie. Il faut être stratège. Est-ce que t'achètes pas? Mais après, tu peux acheter, perdre de l'argent, mais tu sais que sur le marché, tu vas le revendre plus cher. Génial. Bordas m'a dit, il faut vraiment pas avoir de life pour faire ça. Si Bordas me dit ça. Alors là, je suis d'accord. S'il l'a dit, j'arrête tout de suite. Attention, on a un petit cadeau pour Stouff dans le public. Je crois que ce jeune homme va se lever. Il y a un jeune homme qui voulait te faire. Voilà, c'est ça. Bonsoir. C'est que de l'amour. Quel est ton prénom? Clément. Ça va, Clément? Ça va, impeccable. Clément, dis ce que tu vas dire. Rien de spécial, j'ai juste un cadeau à offrir. À qui? J'en ai fait un pour l'ensemble de l'équipe et un pour Stouff plus particulièrement. Pour l'ensemble de l'équipe, c'est quoi? C'est là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un gros sac. Oh, c'est gentil, merci. Un gros sac de chocolat, mais vous le donnez à la fin de l'émission, non. Mais pourquoi? Vous le donnez à Jeff surtout? Mauvaise idée. Non, mais c'est gentil, mais t'es fou, faut pas. Mais mec, ça coûte de l'argent, ça. C'est énorme, surtout. En plus, cette marque, oui, ça coûte. C'est quoi ton prénom? Clément. Ah, merci. Clément, c'est pas toi qui voulais des photos de Stouff de la tête aux pieds? Non, mais attendez, je vais sortir ce que Clément a acheté. Il y a mon nom écrit sur. Clément, mec. Oh non, mais t'es un ouf, mec. Non, mais t'es fou. Mais ouais, il y en a pas assez. Clément, sérieux, mec, t'es fou. T'as vu le nombre qu'on est? C'est deux qu'il aurait fallu en prendre. Ça va partir mais trop vite. Attention. Pour Stouff. Et j'ai un bouquet de fleurs pour Stouff. Oh, regarde. Le bisou, elle est ultra sensible sous ses airs de. Elle adore les fleurs. Mais fais attention à tes doigts quand tu tends les fleurs, quand même. Les pièges à loup, tu connais. Bravo, mon ami. C'est super. Elle est classe. Merci. Belle, hein. Non, mais par contre, je vous le dis, parce que là, t'as dépensé trop de blé. Non, mais vraiment, sérieux. Il faut pas faire ça. Non, mais mec, vraiment, vraiment, à partir de maintenant, je veux que tout le public ait au moins un minimum ce genre de cadeau. Sinon, vous ne rentre pas. Vous collectez. Merci, mon pote. T'as vu tes fleurs? Merci. Elle pleure. Regarde, tu l'as fait pleurer. Non, mais faut pas faire ça. Tu l'as mais vu. Pourquoi je pleure? Pourquoi je suis. Mais elle est trop sensible. Regarde, elle pleure. Mais parce que c'est trop gentil. On dirait pas comme ça, mais elle est ultra sensible. Oui, je suis très sensible, mais. Elle t'a une voix de vieille. Oh non. Elle aussi. T'as une voix de vieille dame. Zoom. Il pleure aussi, le petit. Non. C'est sûr. Tout le monde chiale. Ouais, Koé pleure aussi. Non, mais c'est super gentil, je trouve ça. Non, mais je trouve le geste vraiment. Il se met de l'eau dans les yeux. T'as payé 40 pizzas, coco. Vas-y, pleure. Ouais, pense au prix que tu vas payer. Oh, si, je. Koé pleure, mais pas pour les mêmes choses. Ça m'a coûté un pognon, ces pizzas. Ça m'a coûté un bras. Avec les impôts qui arrivent. C'est pas mignon qu'il t'offre un bouquet. Mais justement, si, ça me touche beaucoup. Voilà, la chaîne. Mets-moi ton prof, t'es dégueulasse. Arrête de te frotter les yeux, ça devient immonde. On dirait une. Pauvre nana en fin de soirée à 7h du mat qui cherche un taxi là. Arrête. Petite boréticienne, Adam, ça. Arrête, me regardez pas. Je suis gêné. Bravo, merci, Adam. Merci. Hein. Voyez, quand je vous dis que cette émission, c'est que de l'amour. Mais ouais. Bon, mais on finit par quoi, les amis? On finit les rappeurs. Par les rappeurs. On finit par les rappeurs. Est-ce qu'on fait le Coé s'en charge une autre fois? Est-ce qu'on fait ça lundi? Oui. On fait ça lundi? Alors, attends, c'est Katia. Est-ce que ça tiendra jusqu'à lundi? Allô. Ouais. Il reste. Ou alors on le fait à la va-vite, on le fait quand même entre nous. C'est gâché. Allez, Koé s'en charge. Allez. C'est le premier, on va le lancer, comme ça vous allez comprendre au moins le fonctionnement. D'accord. Okay. Le principe, vous avez un truc à dire à quelqu'un, vous savez pas trop le faire, on le fait pour vous, on s'en charge, on le faisait déjà il y a quelques années. Mais là maintenant, on a décidé de le faire pour aider. Voilà, c'est pour filer un coup de main. Pendant que Stouff est en train d'appeler une équipe des bâtiments et travaux publics pour. Là. Katia, t'habites Genève, explique-nous ce qui s'est passé. Oui, salut Koé, salut l'équipe. Bon, bah là, vous allez peut-être peu moins pleurer, mais moi, je vais pleurer. Alors, en fait, j'ose pas dire à mon mari, on a une poule chez nous, qui s'appelle Bernadette, qu'on a depuis quelques années. Et, bah, avant-hier, en reculant avec la voiture, j'ai écrasé la poule. Oh, l'a écrasé Bernadette. Adieu Bernadette. RIP. Donc, je suis dans la galère, parce que j'ai dit à mon mari que c'était barré la poule et que. Et que voilà quoi, donc. Et pourquoi lui dire la vérité? Et ton chéri, il aimait Bernadette? Enfin, il y avait un. Il aimait Bernadette. Alors, mon chéri, un petit peu, mais c'est surtout les enfants qui y tenaient, parce qu'ils s'en occupaient quand même vraiment bien. Et qu'est-ce que t'as dit aux enfants? Là, ouais, c'est chaud. Ben, pareil, qu'apparemment, on la cherchait partout, mais qu'elle devait pas être très loin, mais que. Voilà, qu'elle s'était peut-être sauvée. On a essayé d'expliquer un peu le truc, mais là, j'ai. Voilà. Ouais. Je tourne un peu autour du pot et c'est pas bien. Est-ce que ta conscience serait soulagée si on appelle ton chéri, qui s'appelle Stan, pour lui dire que Bernadette, c'est ta faute. Et que Bernadette ne reviendra jamais. Ouais, je pense que oui, malgré tout. Puis même pour les enfants, c'est un peu plus. Demande-lui s'il connaît la blague de Bourrique la grenouille. Et tu l'adaptes. Un peu moins galère, paf la poule. Et tu l'adaptes. Hein, tu as raison. Bah oui. Allô, Stan. Oui. Salut. Bonjour, Stan. Je m'appelle Koé. On est sur Énergie. Comment ça va, Stan? Bah, ça va bien. Oui. Voilà, on va l'applaudir. Stan. Ouais, oui, Stan. Stan, t'es en forme, Stan. Alors, voilà, c'est ta femme, c'est Katia hein, qui est en ligne avec nous, qui voulait qu'on te dise un petit bonjour. Oui, c'est ça. Oui, salut. Voilà. Il y a un malaise. Salut. Vous êtes amoureux depuis combien de temps, Stan? Très longtemps. Très longtemps. Alors, Stan, oui. Ça veut dire que ça, c'est les mecs, on compte pas, nous. Oui. Très longtemps. Les filles, à se connaître, elles se souviennent de la date de naissance, de la date de tout. Nous, les mecs, longtemps. Non, mais ça, en gros, ça fait une vingtaine d'années quand même. Stan, ah oui. Stan, est-ce que tu es prêt? Prêt à quoi? Attention, on va jouer. Est-ce que tu es prêt? Première question, Stan. Est-ce que tu connais l'histoire de Paf le chien? Tu connais ou pas? Oui. C'est l'histoire du chien. Alors, c'est un chien, il traverse la route et il y a une voiture qui arrive. Et paf, et paf le chien. Voilà. Est-ce que tu connais Scrooge la grenouille? Pas du tout. Alors, c'est une grenouille qui traverse la route. Oui. Et il y a une voiture qui arrive. Et Scrooge la grenouille. Ah oui, d'accord. Okay. Et enfin, est-ce que tu connais la poule? Non plus. Alors, c'est ta femme. Alors, en voiture. Ah, c'est direct. Ouais, c'est un peu violent là. Quand même, c'est ta femme qui recule. Eh les gars. Il pouffe. Et pouf. Ah, les gars, non. Mais tu parles de ma poule à moi, là? Bernadette. Il n'y a pas d'autre moyen. Bah, de Bernadette. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour... Non, mais. Katia, t'as écrasé la poule. Non, mais elle n'a pas fait exprès. Non, mais. Bah oui, t'es tout petit en même temps. Qu'est-ce que tu. C'est vrai que c'est voilà, pas. Voilà, c'est vrai que c'est pas un cochon. Ouais, il y a le bip, il y a la caméra, mais je ne l'ai même pas vu derrière. Quoi. Passe en dessous. Voilà, oh. Je ne savais pas trop mais comment. Mais t'as fait ça quand même... Bah, avant-hier. Voilà. Ça vous dit une poule à dîner ce soir? On va dire aux gamins. Bah, il y a des nuggets c'est gratuits. Merci Koé. Vous êtes sûr qu'on règle les problèmes là? C'est là le Koé s'en charge. Je suis pas sûr que cette rubrique revienne à l'antenne. Si elle va revenir, mais. Il pourrit les gars. Maman devait l'aider à la base. Oh non. Ah, ça peut arriver. Alors je vais être honnête avec vous. Oui. Alors moi je vais défendre Katia. Tu recules la voiture. Il y a des petits animaux comme ça des fois qui passent. Ça va vite. Tu peux aimer les animaux, les adorer autant que tu veux. C'est l'accident le plus bête du monde. Oui. Ça peut. Mais en plus Katia elle conduit comme une pagaie. Hein. Elle se bouffe les ongles, elle se coiffe et tout. Donc je suis même pas étonné finalement. Bon, oui, mais tu lui pardonnes. Par contre, on va avoir un vrai problème pour expliquer ça quand même aux gamins. Hein. Mais elle a pas une note, tout ça même. Mais oui, elle a disparu. Oui. C'est tout, point. Mais ça, c'est pas une mauvaise idée. On peut en prendre une note, mon chéri. Bah oui. Prenez la même, Bernadette 2. Ouais. Ouais, et ben, on a intérêt à s'organiser avant ça que va, soit là. Ça va, tu le prends bien. Bah attends, tu veux que je fasse quoi? Parce que voilà, effectivement, j'ai une poule. Mais remarque, les maintenant. Gamins, eux risquent de pas réagir de la même façon quand même. Maintenant. Si tu ramènes ça aux enfants, je crois qu'ils ont rarement vu une poule toute plate de 40 cm de large. Ah bah, c'est plus pratique à ranger. Hein. C'est là, tu leur dis Bernadette, maintenant on la met dans la commode. Non. Et elle dort. C'est la poule frisbee. Poule! Non, Non mais c'est horrible. Moi, moi qui ai grandi à la campagne, ouais, non, c'est le horrible. Nombre des fois de lapins ou de choses comme ça qui traversent. Oui, bah oui. Et c'est dur, mais tu peux pas faire autrement. Ça arrive. Bon. Voilà, on va trouver une solution. Mais oui, hein, voilà. Les enfants. Voilà, le plus dur est fait là. Voilà, d'accord. Mais n'importe quoi quand même. Hein. Et t'étais obligé d'appeler la radio pour dire ça. Oh, mais elle n'osait pas te le dire. Elle n'osait pas te le dire, tu lui faisais peur. Ah ouais, c'est vrai, je suis un monstre. T'es un monstre. À bientôt, gros bisous les deux, je vous embrasse. On va vous savez ce qu'on va faire. On va vous, je vais vous passer Guy Claude au standard et on va vous envoyer des cadeaux pour les enfants. Oui. Voilà. Comme ça, on leur offre une télé aussi. Vous savez quoi? Voilà. Ah, c'est cool. Je vous offre. Ah, cool. Ça va mieux. T'as un bon compromis là, je crois. Voilà. Il a oublié Bernadette. On s'en décharge. Voilà. Comme vous regardez, je vous envoie. Je vous envoie la télévision Animo comme TV, ça. Un abonnement comme... à Animo TV. Non, Stan. Non. Stan, comme ça, tu pourras regarder le foot tranquille à la maison et les matchs de poule. Oh bisous les deux. Non, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est pour les enfants. Pour les enfants. On finit vite fait avant de filer. On aura 2 minutes de retard pour Rico. On finit vite fait les rappeurs, on avait dit ou pas. Allez. On a le temps, sinon on le fait lundi, c'est pas grave, ou demain si on a le temps. On le fait lundi. Allez, on le fait lundi. Allez, on le fait lundi. Allez, quoi. Comme ça, on est à l'heure, on est heureux. On est à l'heure, on est détendu. 20h04, j'appelle ça être à l'heure. Oui, chez Coé, oui. Pour la SNCF, c'est même de l'avance. Bon, Rico, est-ce que t'es prêt, Emric? Est-ce que t'es là-haut? Est-ce que toute l'équipe est là? Vous êtes en forme? J'ai envie de dire de parler de poule quand Coco passe l'antenne à Rico, je dis Coco Rico. Oh, joli! Pas mal! Coco Rico, c'est énorme. C'est vrai que maintenant tu viens de me le dire, Coco enchaîné avec Rico, ça fait Coco Rico. C'est pas mal, non? C'est énorme. Et j'ai envie de dire avec nous deux, énergie fait Coco Rico. Tu sais quoi, on était, il fallait qu'on se rencontre. Ouais, c'est bon. Il fallait qu'on soit sur la même radio. Ouais, c'est vrai. Non, parce que j'étais en train de me dire si c'était l'inverse, Rico Coco. Ah ouais, ça l'aurait pas. Coco Rico. Ouais. Toujours Coco avant Rico. Ah, c'est pas mal. Coco Rico, putain. Ouais, c'est drôle. Ouais. Faut mal. Faire un truc avec ça. On s'en fait un t-shirt. À partir de lundi, il faut se faire des t-shirts Coco Rico. C'est pas mal avec les horaires et tout. On les portera que pour sortir des poubelles, mais au moins les horaires. Bisous les gars, bonne soirée. Et à demain 17h. Coé revient demain sur Énergie. 3, 2, 1. Salut à tous, je m'appelle Emric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show sur Énergie. Yes! Tellement content d'être avec vous. Dans une minute, le bail du jour, et vous allez voir que vous allez adorer cette nouveauté. On en parle. Il y aura les news, le retour de la patate chaude façon quiz. Hein, c'est du classique, on a une patate chaude, on répond aux questions, et puis à la fin, si on l'a, on se brûle. Hein. Vous connaissez, jusque-là, on n'a rien inventé. Il y aura le VTC de la peur, et ça, on l'a inventé. C'est un concept complètement ouf, les amis. Malik récupère un client, il allume la radio, et je peux vous dire qu'on annoncera qu'il est recherché, de quoi faire flipper son client. Il y aura le retour aussi de Papy et Mamie Rico, ce sont des personnes très âgées et ils ont participé aux Olympiades, justement des personnes âgées, et il s'est passé quelque chose au concours de tricot. Vous allez voir, ils sont pas contents du tout. On s'écoutera du bon son avec Jane, Maître Gims, Jonas Blue, et celle-là, elle est pour toi, ma Sarah. Merci mon Rico, je pourrais pas te retourner le compliment malheureusement, hein. Ouais. Tu es le plus chum de mes copains. C'est fort. Mais merci en tout cas pour cette chanson. C'est fort ça, quelle belle transition. Quand on est gentil avec toi, t'es méchant. Ouais, c'est voilà ça. Pourquoi je te pourris au quotidien. Je sais bien. 0800 70 42 48 pour nous rejoindre. Hashtag RicoShow sur Énergie, on lit tout. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont là, Ariel, Elisabeth, Hugo, Amélie, merci d'être là les copains. Comment il va le tombeur? Eh ben écoute, en pleine forme, hein. Ouais, je le vois. Eh, H-2 avant la Clouse, hein. Ah oui. Eh oui, la Haute-Savoie. Oui, c'est vrai, on fait le Energy Music Tour à Cluse ce week-end. Plus de 15 000 personnes, venez nombreux. Ça va, JM? Écoute, ça va au taquet, j'ai des nouvelles lunettes. C'est fort. Eh ouais, mais depuis 2 jours, on les avait pas vues. Donc franchement, il vous faut des lunettes, les copains. C'est vrai qu'on ne le regarde plus. On ne le mate plus. C'est vrai, ça va très bien, ça fait très bourgeois ces petites lunettes. C'est vrai, j'essaie de grader un peu le niveau. C'est pas un peu petite? Il faut que j'aille repasser pour qu'il dessert un peu. En même temps, c'est pas choquant, on n'avait pas remarqué. Ah, c'est exactement. Allez, on passe au bail du jour. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? Dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Dingue, hein. Ok. Je vous en parle juste après. Jane, alright. Et vous allez voir que c'est du très très lourd, les amis. Marre de faire la queue, marre des files d'attente. Je peux vous dire que ça y est, on a la solution. Bougez pas.